Alexis vient d'arriver dans le studio. Alexis, juste confirme-moi d'un petit coucou de la tête. C'est le morceau 1 qu'on lance Les trois premiers, on enchaîne les trois premiers et puis on se retrouve tout de suite après pour le sommaire de Bulles de rêve en direct cette semaine. See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Your name's Lebowski, Lebowski. City by the mighty dirty river, city by the greasy rolling sea, I crawl so small and it stands so tall, and it all belongs to me. Welcome to Joe's apartment. It's our apartment too. We've been around for 100 million years and we'll be here long after you. Let's go to our place. It's a great big space. It's where I wanna be. Where friends all meet and life is sweet, 'cause everything's for free. It's the joint. It's a gas. It's a big fat boot in the ass. Voilà, je me doutais bien que tout n'allait pas se passer. Comme prévu, vous êtes bien à Bulles de rêve, c'est Alex Minot, sur Radio Libertaire 89.4, et donc c'est le cinéma d'animation. Alors, vous avez entendu au tout début un petit extrait de The Big Lebowski, le film des frères Cohen, 98, et juste notre générique aujourd'hui, c'était le générique, le début de Joe's Apartment, un film de John Payson qui était en 96, un très joli petit film sur la vie des cafards, enfin un jeune homme qui arrive à New York et qui décide de s'installer, puis il va se faire ami avec des amis cafards. Les cafards, son image de synthèse, ont été faits par Chris Wedge, le monsieur de Blue Sky qui a fait L'Âge de Glace, etc., etc. Un très joli petit film que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc voilà, je voulais vous faire profiter de ça. C'est au départ un court-métrage. Aujourd'hui, je suis gâté, j'ai deux invités. Laurent Vallière, bonjour. Bonjour. Journaliste qui va nous parler un petit peu de son émission sur France Inter, qu'on a déjà une sur France Culture. On va parler de tout ça. Très bien. Dès 5 minutes. Et Émilie Mercier. Bonjour, Émilie. Bonjour. Qui va nous parler, elle, un petit peu de tout ce qu'elle fait dans l'animation. C'est une somme, donc elle va nous parler de plein de choses. Ça va être passionnant aussi. Donc, on a 2 heures passionnantes devant nous. On va de suite enchaîner. Je voulais vous parler rapidement, mais on est très en retard, donc je ne vais pas vous parler. Je voulais vous parler de Persepolis et de tout ce qui est médiatique autour, avec tous ces gens qui disent que c'est un vrai film. Je l'ai vu cette semaine et en fait, on a, comme je le disais, on n'a pas fait film d'animation plus intense au niveau de l'animation. Après, au niveau de la narration, je ne sais pas, moi je suis pas très fan, mais au niveau en tout cas d'animation, c'est une animation qui est absolument superbe. Et quand on ose dire un peu partout dans les médias, même des gens de l'animation que je connais, que je vois, et qui me disent « Ah, je suis content, j'ai enfin vu un vrai film ». Un vrai film. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi un vrai film? C'est peut-être avec des gens, des vrais gens, mais donc est-ce que Cassavetes fait un vrai film? Est-ce que, je sais pas, moi, Michael Bay, quand il fait les Transformers, fait un faux film? Je sais pas trop ce que c'est un vrai film. Je pense que c'était très bien manigancé de la part du distributeur de nous faire croire que c'était pas un film d'animation pour que les gens foncent dans les salles, ce qu'ils ont fait massivement, ce qui est très bien pour le film, parce que le film est quand même passionnant. Mais je pense que c'était un petit peu voilà, une manipulation du distributeur. C'est toujours un peu gênant de voir ces choses qui sont détournées juste pour faire encore un peu plus d'argent. Ça me gêne toujours parce que vraiment aller le voir. C'est un vrai beau film d'animation avec une animation traditionnelle absolument étonnante. Il y a des jeux sur le relief. À des moments donnés, on se croit dans du papier découpé, dans du théâtre. Et c'est absolument magnifique. Mais donc, c'est un vrai film d'animation. C'est un vrai film à nous, quoi. Donc, ceci étant dit, on va essayer de jongler avec la technique aujourd'hui. Et mon coup de cœur de ce mois-ci, ben c'est comme le mois dernier, ce ne sera pas un coup de cœur, ça sera quelque chose que j'ai retrouvé d'un chanteur qui s'appelle Miwan, et c'est, la chanson s'appelle Game Plan. C'est un album qui date d'un bout de temps maintenant, de 5-6 ans. Et on va écouter ça. Juste avant, vous allez écouter, si la technique le permet, la sublime voix de Vincent Price dans un extrait d'abord de La Mouche, qui est un film de Kurt Neumann, 58. Vous avez entendu, il demande à l'aide. Help me, help me. Vous allez voir, c'est très étonnant. Et ensuite, avec un chat, on écoute Game One et Vincent Price. Donc, vous avez entendu qui était en fait normalement Vincent Price qui parlait à un petit chat. Donc bon, je crois qu'on va passer directement du MP3 à l'audio. Je vous dis tout, hein. Vous savez, je vous dis toujours tout de toute façon par rapport à la technique. Je suis pas un roi, donc dans ce cas-là, je préfère être transparent. Et on va passer, puis on va. Voilà, j'espère que ça s'arrangera. L'important, c'est qu'on a quand même les plus gros extraits. Je pense que j'ai entendu un petit peu sur l'audio, ça devrait marcher. Voilà, on va se remettre de nos émotions tranquillement et on va passer à Laurent. Moi, ce qui m'intéressait au tout début, pour savoir, Laurent, c'est est-ce que tu es journaliste à la base ? Est-ce que c'est une vocation déjà ou est-ce que c'est venu sur le tard ? Ah, moi, je suis journaliste, oui, au départ, je suis journaliste. Après que je fasse des choses à propos du cinéma d'animation, c'est venu après, mais au départ, ouais, je suis journaliste. Journaliste d'abord, ouais. Mmh. T'avais une envie particulière au niveau du journalisme ou c'était vraiment... Non, moi, je tends mon micro et pose des questions, j'adore, enfin... Comme toi, j'imagine. Ouais, donc journaliste radio plutôt. Journaliste... Là-bas, c'était vraiment plutôt... Ah oui, mais c'est que la radio, ouais. D'accord. Mm-hmm. C'était que l'envie de faire de la radio. Que l'envie de poser des questions, aller voir et prendre du son, de l'ambiance. Mm. D'accord. Sauf que là, aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Voilà. Je suis un peu gêné. Non. Alors justement, est-ce que tu te rappelles, à propos d'animation, le plus jeune, est-ce que ça t'intéressait l'animation, le dessin animé ou pas du tout ? Ou les choses que tu as pu voir Oui. Qu'est-ce que tu te rappelles quand tu étais plus jeune Moi, je suis à fond Walt Disney, hein, je suis tombé dedans. J'ai même pas compris à un moment pourquoi il n'y avait plus tous les ans un Walt Disney qui sortait de bien. Je sais pas, ça devait être à l'âge de 11 ans qu'ils ont arrêté. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Alors après, ils ressortaient des Cendrillons, des Belles au bois dormant et puis ils ont arrêté. Il y a eu un creux. Tout à fait. Et j'ai pas compris, j'étais très triste. Puis voilà, c'est revenu après, des années plus tard. Et il y avait déjà quelque chose qui te plaisait ou c'était a priori comme beaucoup d'enfants, juste déjà le côté magique de ces dessins qui bougeaient ou Je pense pas que je me prenais plus la tête que ça quand j'avais 10 ans. Ouais. Mais des fois on peut avoir le côté... Non, je ne sais pas dessiner du tout. On peut leur dire, voilà, il n'y a pas de volonté de dessiner. Dessin, j'ai jamais essayé. J'ai essayé, mais je lisais des BD, tu sais, tu décalques des personnages et puis après... Les yeux ne sont jamais au bon endroit. J'ai jamais compris la proportion des têtes, des fronts. Apparemment, le front doit être la moitié de la tête. C'était un truc que je ne comprenais pas. et donc, comment il fait ? Évidemment, Émilie, tu poses une question, évidemment, quand tu en as envie, au contraire. Et donc, à partir de quand, au niveau, tu rentres dans la carrière de journalisme avant de t'occuper de cinéma ou tu t'occupes de cinéma ? Avant, je travaillais dans le cinéma, en fait. Avant, je travaillais dans une société qui... s'occupait de cinéma. Je faisais plus du marketing, pas du tout de journalisme. Mais j'ai bifurqué au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que j'ai plutôt des affinités journalistiques sur tout ce qui est cinéma. Mais un des premiers reportages que j'ai fait, c'était pour une radio qui s'appelle Le Move. Ouais. C'est la radio de Radio France, Le Move. Bah, j'avais eu la chance d'aller à Bristol, au studio Harman, à l'époque de Chicken Run. D'accord. Et j'ai été voir comment étaient faites toutes ces personnages en pâte à modeler. C'était très, très impressionnant. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est juste ça peut être une révélation ou non ? C'est juste, ça me passionne ou c'est quelque chose de plus ? Quand on rencontre Harman et qu'on rencontre... J'étais super content d'être payé pour aller faire un reportage et en prendre plein de tes mirettes. C'est quand même assez magique, objectivement, d'aller voir ce studio qui n'avait pas encore brûlé à l'époque. On arrive, d'ailleurs, la première chose quand tu arrives, on te fait signer un papier, parce qu'à l'époque, ils étaient en train, je pense que je peux le dire maintenant, parce que quand même, le projet n'a pas abouti, alors j'espère que... C'était il y a 10 ans, et ils m'ont fait signer un papier, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit sur le projet que vous êtes en train de voir, qui est en train d'être fait, c'était le livre et la tortue. Et donc j'ai vu plein de dessins de livre et la tortue, je me disais, oh, c'est dommage, je peux rien dire. et après, quand 10 ans plus tard, c'est toujours pas fait, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand même très étrange. Mais bon. Fait autre chose. Il s'est passé la signature évidemment entre DreamWorks et DreamWorks ne voulait pas tellement finalement que le Lièvre et la Tortue soit leur premier film, parce qu'à la base ils voulaient que ça soit Wallace et Gromit. Ah, c'est ça. En effet, le premier, comme eux ne voulaient pas non plus mettre Wallace et Gromit de suite parce qu'ils n'avaient pas la capacité pour le faire, en fait c'était... Puis ils voulaient pas, surtout je crois que Nick Park, ils voulaient pas trop tout de suite commencer un long métrage avec Wallace et Gromit parce que il avait pas la pour il lui... avait peur de se dessaisir, je crois, de ces personnages. Et donc ils sont partis sur autre chose de deux tiers, voilà, comme ça, partir sur Chicken Run. Alors donc on voyait le département ou scénario, le département, vraiment on pouvait faire un déroulement de pièces comme ça, le département où ils faisaient l'animatique, les décors, et puis après on arrive dans cet énorme hangar qui est découpé en petites studios, des petits box, hein, presque, de 9 mètres carrés, 5 mètres carrés, 10 mètres carrés, pas très grand, dans lequel il y a chacun qui est devant sa table, hein, à hauteur de main, pour pouvoir animer les personnages, une petite caméra, et puis ils sont tout seuls en train d'animer comme des dingues, 2 secondes, je crois, il me disait, 10 images par jour. Et donc on a envie, quand on rencontre des gens qui font comme ça justement 2 secondes par jour, on a envie vraiment de transmettre ce qu'on voit. Ah oui, on a envie. Le truc, c'est qu'ils m'ont tous dit à la radio, mais c'est n'importe quoi. Tu vas faire un reportage radio sur Chicken Run. On fait ça tous les mois ici. Donc effectivement, moi je trouve qu'avec objectivement des fois l'image, on peut faire plus rêver avec des mots. De ce qui se passe dans un atelier plutôt que de montrer platement des studios qui sont moches. C'est des hangars quand même. Mais par contre, le mec, ce qu'il a au bout du crayon, c'est assez magique, oui, quand même. Donc on peut décrire. Et voilà. Puis c'est passionnant, le son en animation est quand même absolument primordial. J'ai tendance à dire, hein, d'étudiant, c'est un tiers du film quasiment. Ah, le son, oui, c'est important. De faire passer aussi le son et. Chez Wallace et Gromit, enfin chez Hardman, pour ne pas parler que de Wallace et Gromit, bien sûr, c'est aussi primordial, c'est une des grandes réussites. Est-ce que tu as pu voir bruitage, non, ça, je n'ai pas vu. Bon, non, ça doit se faire ailleurs. À vrai dire, je ne sais pas, mais ils étaient en plein dedans, donc je pense que c'était. Puis j'étais quand même pas parti pour une semaine. Hein. Justement, c'est quoi? C'est une journée, c'est une journée. C'est une journée complète, ils n'ont pas. Non, c'est une journée complète, mais dans ces cas-là, vous partez pour. Aussi faire d'autres reportages sur la scène rock de Bristol, etc. D'accord. On va pas vous laisser partir uniquement pour faire un reportage d'une demi-heure. Chicken Run. Parce que Bristol, c'est Massive Attack, c'est ça, ouais, c'est ça. Là-bas, ouais, c'est tout le mouvement. Du coup, je suis resté 2 jours. D'accord. Dans une demi-journée à. Une demi-journée, non, c'est. Même... Bon, voilà, on est encadré, hein, c'est la presse, on signe quelque chose quand on arrive, on n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi. Ils m'ont fait rencontrer des gens qui étaient prévus, mais des gens passionnants. J'ai pas vu Nick Park. Qu'il n'était pas là à cette époque-là, mais j'ai interviewé Peter Lord et une fille super que j'imagine que tu as interviewé qui s'appelle Guillaume Leroy, une matrice qui a travaillé sur là le film qu'on a vu à Annecy, Max & Co, et qui à l'époque animait justement certaines de ces Ginger, je crois qu'elle s'appelle, certaines de ces poules. Hein, et voilà, mais on ne pouvait pas forcément interviewer n'importe qui, hein, c'est encadré. Juste pour la petite anecdote, Guillaume Leroy, c'est un personnage, une femme étonnante, une animatrice étonnante, parce qu'en effet, elle est partie, elle avait fait un petit film sur la Traviata, notamment dans une collection qui s'appelait Opéra Imaginaire, et ensuite elle était partie en effet chez Hardman travailler. Je me demande si elle n'avait pas fait un petit peu, alors je sais qu'elle n'avait pas du tout de synthèse, mais je me demande si elle n'avait même pas travaillé, pas où, chez Pixar, enfin non, chez une grosse boîte américaine, hein, c'est ça, hein, je crois, je ne sais plus pourquoi exactement, mais elle avait travaillé. Et c'est drôle, je l'ai rencontré récemment à Animoff, un festival à Bruxelles, et je lui demandais, je lui disais, mais pourquoi ne pas recommencer sur des courts-métrages? Et elle me disait, non, mais moi c'est fini, je n'ai pas envie de repartir sur les courts-métrages, mais passer du temps sur un petit court-métrage, il faut faire, on passe 5 ans pour faire un cours, etc. Et pour l'instant, mais en fait, ce qui est bien avec les animateurs, c'est qu'on sent qu'ils ont beau dire 16, ils n'oublient pas quand même. C'est-à-dire qu'elle me disait ça, mais j'avoue quand même que si on m'aide un peu, s'il y avait du monde, etc. Et donc, c'est plutôt bien. Et ce qui est bien, c'est qu'Hardman aussi se relance dans le court-métrage. On a vu récemment Annecy, un film qui s'appelle The Pierce Sisters, qui a eu le grand prix même aux plateformes Animation Film Festival, festival américain, très peu de temps après. Donc voilà, donc Hardman se relance aussi dans les cours. Et c'est un personnage étonnant, Guillaume Leroy. C'est vrai qu'elle a. Ce qu'elle a fait sur Max & Co notamment est surprenant. Et c'est vrai que c'est ça. C'est pour ça que je voulais savoir si vraiment cette envie d'un seul coup d'en parler. Toi, tu fais donc ce reportage, premier reportage pour le MOVE sur Chicken Run, enfin sur Hardman en tout cas. Ensuite, tu te dis, il faut que je continue là-dedans ou non? C'était à l'époque, il n'y a pas de spécialiste animation au MOVE, hein, donc. On essaie de dès qu'on voit un voilà, on peut pas se permettre, comme tu le fais chaque semaine, chaque mois, d'aller voir tous les jeunes talents qui sont en train dans leur coin. C'est pas assez médiatique, et puis là pour le coup, radiophoniquement, c'est difficile de parler de quelqu'un qu'on connaît pas si on n'a pas vu ce qu'il a fait. Mais oui, c'est vrai que du coup, après, j'ai essayé de continuer quand même d'attraper ce qui se passait. Et puis, par ailleurs, moi, je produis des making-of. Donc, j'ai travaillé pour les DVD. Pour les DVD, et notamment, donc, ça c'est plus personnel. Et on a notamment produit le making-of du film de Michel Oslo qui s'appelle Azur et Asmar. Celui qui est sur le DVD. Celui qui est sur le DVD, donc c'est pareil, ça m'a permis aussi d'aller voir régulièrement comment ça se passait, ce qui est aussi, alors là pour le coup, une autre méthode de fabrication, puisque là, alors c'était sur ordinateur, mais Michel Oslo a vraiment sa façon de travailler, son imaginaire, quelque chose de très structuré, très abouti, avant même d'aller donner quoi que ce soit aux animateurs. C'était très intéressant aussi. Et ça, c'est parti en même temps ? Non, c'est plus tard. Non, c'est en plus. Qu'est-ce qui fait basculer complètement ? Enfin, pas complètement, mais en tout cas beaucoup, dans le monde de l'animation. Je peux pas donner un... Il n'y a pas un moment donné où, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Après le move, c'est... La grosse chose, c'est, on va en parler, c'est la série d'émissions sur France Culture. Oui, il y a quelque chose entre temps. Non, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est des hasards, en fait. Il se trouve qu'il y avait l'exposition Walt Disney. C'était assez étonnant, quand même, que le Grand Palais organise une exposition Walt Disney. Même ça a été assez polémique, etc. Et l'exposition était vraiment magnifique pour celui qui voulait rentrer dans l'univers de Walt Disney. Et j'avais juste proposé au départ à France Culture quelque chose sur Walt Disney, parce que je trouvais. Bon, il y avait, voilà, si le Grand Palais. Honorait Walt Disney avec une belle exposition, etc. Ça pouvait certainement signifier que France Culture pouvait en parler. Et ils m'ont demandé, de façon plutôt maligne, d'élargir le propos à tout le cinéma d'animation. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais. Alors, donc, du coup, ça a donné une série en 20 épisodes sur France Culture, donc qui était diffusée quotidiennement, de façon maligne à les périodes de Noël. Donc, c'était assez festif quand même. Mais avec un parti pris plutôt grand public. C'est-à-dire, j'ai voulu parler de. De ce que tout le monde connaît, nous tous on connaît, donc la Warner, et essayer un petit peu expliquer un petit peu derrière économiquement pourquoi ça s'est planté. Hein. Moi j'ai jamais compris pourquoi Bugs Bunny s'est arrêté par exemple, pourquoi les studios ont fermé leurs studios d'animation, les grands studios, la Warner après les années 50. Voilà, essayer de donner des clés, essayer d'expliquer au Japon qu'est-ce qui se passait, voilà, donner un grand tableau général après. Faut se plonger forcément dans tous les bouquins dans lesquels moi-même je suis plongé pour aller voir le détail pays par pays. Mais ils ont quand même, moi ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est que quand c'était dans cette émission qui était pas, il était une fois, Histoire 2. Et quand je regarde les autres Histoire 2, c'était souvent 5 épisodes, 7, des fois 10, des fois, mais rarement 20. Comment ils ont accepté facilement d'un seul coup de faire 20 ? Parce que c'était un peu la gageure qui était ça. C'est vrai que c'était plus pour le grand public, mais la gageure était quand même de réussir à en faire 20. Là où en effet on aurait pu se dire non, on en fait 10, un sur le Japon, un sur Warner, enfin. Je veux dire que les plus compliqués, c'était d'écrire, parce qu'il y a pas mal de littérature sur tout ce qu'a fait Disney. Bon, alors après, il faut juste prendre le grain, enfin, voilà, les livres officiels et les non officiels. Mais il y avait, sur tout ce qui est animation, CGI, là, l'animation en trois dimensions, il y a très peu de livres en fait. Donc c'était vraiment très intéressant de retracer un petit peu les débuts de ce que faisait, ce qui se passait dans les années 50 avec les ordinateurs, il n'y avait même pas d'écran, c'est quand même extraordinaire, là, ceux qui faisaient les premiers films sur ordinateur sans écran, jusqu'à Tron qui était un truc production assez Disney, fondateur, oui, production Disney, sur lequel lorgnait John Lasseter, parce qu'il travaillait chez Disney, mais dans le bureau à côté. C'était très intéressant. Il y avait certains chapitres que j'ai voulu vraiment mettre en valeur. Genre, j'ai fait deux épisodes sur le cinéma d'animation en image de synthèse, parce que effectivement, il n'y a pas trop encore de bouquins qui ont été, il me semble, sortis là-dessus. Sauf que du coup, j'ai vu à Annecy le fantastique documentaire que tu as peut-être vu sur Pixar, où justement, oui, alors là, pour le coup, ils reprennent, on entend. C'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il va un jour sortir. Donc, c'est un documentaire qui a été projeté à Annecy qui dure à peu près 2 heures. On voit vraiment. C'est l'histoire de Pixar, mais c'est vrai que l'histoire de Pixar, c'est vraiment l'histoire de l'image de synthèse. Enfin, en tout cas, à partir des années 70-80, parce que c'est quand même l'époque où George Lucas décide de créer son département effets spéciaux. Et on voit tous les gens là qui racontaient justement devant la caméra cette épopée-là. C'était vraiment passionnant. On se sortira sûrement un jour en DVD, mais c'est vrai que c'est la seule fois où Lucas, quand même, pour la petite histoire, a pas eu, pas bien réfléchi. C'est-à-dire qu'il a vendu en disant oh là là, ouais, ça risque de marcher, mais peut-être pas sûr non plus. Et il a laissé tomber Pixar dans les mains du Steve Jobs, de Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui ensuite a. à créer, ce qui fait que maintenant Pixar est la deuxième puissance, je crois, après la NASA au niveau de l'ordinateur. Enfin, c'est plutôt bien que ce soit la culture plutôt que l'armement qui réussisse à avoir enfin une vraie puissance au niveau de l'ordinateur, ce qui donne des films. Bah, le prochain sort bientôt, Ratatouille, donc qui est bientôt. Juste, on va faire une petite pause. On va parler ensuite, évidemment, de l'émission que tu vas nous proposer sur France Inter à partir des début août. Aujourd'hui, c'est facile d'être... moi, j'arrête un petit peu. C'est facile d'être journaliste et de pouvoir interviewer des gens alors que l'animation devient de plus en plus à la mode, fonctionne bien. Est-ce que dans l'animation, on a aussi ce qu'on avait, moi, ce que j'ai vécu à un moment donné avec Takahata notamment, c'est ces interviews absolument terribles où on a 10 minutes. Et, est-ce qu'il y a de ça aussi? Matt Groening, il y a 10 jours, j'ai eu 8 minutes. On m'a donné 10 minutes, mais l'attaché de presse très gentiment m'a dit, tu sais 10 minutes, mais tu sais bien, ça sera 8. Parce qu'on va dire bonjour, au revoir. Parce que... Oui, c'est pareil, ça ne change pas. Bah, sauf à interviewer des gens qui ne sont pas encore connus, il faut en profiter. Il faut en profiter, voilà, oui, c'est comme ça. Mais là, parce que 8 minutes, on n'a pas le temps, on a le temps de rien dire. Non. C'est juste. Non, mais j'avais fait mon conducteur d'émission et donc j'avais exactement les. Je savais exactement là où je voulais qu'il intervienne. Donc je lui ai posé les questions que je voulais. Et je dois dire, pour l'émission de France Inter, je vais utiliser les 8 minutes intégralement. Coupé en petites tranches, mais j'ai tout utilisé. Parce que c'est vraiment ça la complexité aujourd'hui, quand même. C'est vrai, par rapport à ces grands pouvoirs. Ces grands, qui ne sont pas si grands. Je veux dire, bon, Matt Groening, c'est un peu particulier, mais Takahata, même si c'est un grand monsieur, et je pense l'un des grands génies de l'animation, quand on voit qu'on nous laisse un quart d'heure pour discuter avec lui. Alors que j'avais eu trois quarts d'heure au Forum des images, un an et demi, évidemment. Oui, moi, le fils de Miyazaki, je n'ai pas pu l'interviewer. Même j'étais super pas content. Même en venant de France Inter, en Radio France, voilà, hein, bon, comme ça. T'as rien perdu, le film n'est pas bon. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez fou. On va... C'est ce moment, au moins avec les êtres humains, c'est bon. On sait que techniquement, ça peut fonctionner. Même si Emilien a un peu le trac, mais ça va bien se passer. on va tenter d'écouter, en fait, un espèce de petit medley des personnages qui vont apparaître dans tous les Mickey du monde, là, l'émission de Laurent, donc sur France Inter. Je regarde Nicolas. Normalement, il y a le 7, le 8, le 9. On coupera un peu dans le 9, le 10... Le 11, le 12 et le 13. Allez à Jacques Taest. Allons-y. I'm not afraid. Are you Bimbo? No. What's happening? I'm not afraid. Are you Bimbo? No. I'm not afraid. Are you Bimbo? No. Simpson, Homer Simpson, he's the greatest guy in history. From the town of Springfield, he's about to hit a chestnut tree. What's happening? Behind you! Oh, hang in there, Grummy! Everything's under control! That if you don't mind, eh? C'était il y a très très très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Le monde est bien à l'aise. Bon, alors ne touchez aucun des boutons qui se trouvent devant vous. Pour une simple et bonne raison, CQFD, vous êtes relié électriquement au reste de votre famille. Vous avez le pouvoir de leur envoyer une décharge. Et ils ont aussi le pouvoir de vous en envoyer une. Ah, je le teste. Petit salaud. Non, on est pas encore. Voyez-vous, c'est ce que nous autres appelons la thérapie de l'aversion. Quand quelqu'un vous blessera émotionnellement, vous le blesserez physiquement. Ainsi, petit à petit, vous apprendrez à ne plus vous blesser du tout les uns les autres. Est-ce que ce ne sera pas merveilleux, Homer? Oh oui, alors, docteur. Ah ah Bart, comment peux-tu électrocuter ta petite sœur? Mon doigt glissé, mon... Ah ouais, le mien aussi. Ah ah Bart, please, arrêtez-moi ça. Non, ne faites pas mal. Non, un instant. Attendez. Arrêtez tout. Stop. Non, ce n'est pas comme ça que vous allez guérir. Non. Non, vous êtes complètement cinglé. Stop, c'est pas fait pour ça. Bon sang, quelqu'un est en train de tirer tout le jus, monsieur. Excellent. Excellent. Ça veut peut-être dire que cette manie de vouloir économiser l'énergie est morte et enterrée. Ah non, non, je vous en prie, contrôlez-vous. Au secours. Docteur, tous vos patients ont le sang. Stop. Vous êtes en train de bousiller le matériel. Ça suffit maintenant. Eh, super, tétifement. Non, je pensais qu'on aurait fait des progrès. What a hot cornet can, like Betty Boo can do, a saxophone can go. What a saxophone can, like Betty Boo can do, this little miss would never miss a chance for vocal tuning. And anytime and anywhere you can hear this lady crooning, an auto horn can go. What an auto horn can, like Betty Boo can do. C'était bien sûr le générique des Simpsons, vous avez reconnu. Alors, dans leur Betty Boop, ensuite les Simpsons dans une parodie des Flintstones, ensuite Wallace et Gromit, les Shadok, de nouveau les Simpsons, Betty Boop, et on a fini avec les Simpsons. Alors, il en manque un. On entendra un petit peu plus tard quelque chose de particulier sur Bugs Bunny. En anglais, vous me connaissez, vous savez que je vous fais travailler. Donc, il y aura de l'anglais, il y aura un petit peu d'arabe plus tard, et il y aura normalement, je crois, peut-être du japonais, dont sous-titré aussi un petit peu plus tard. Voilà, ça c'était pour que vous preniez les dictionnaires à la maison pour être tranquille. Donc, une série d'émissions, tous les Mickey du monde, qui commence le 4 août. Voilà. Hein, de 21h à 22h, c'est ça ? Le samedi, sur le samedi. Exactement. Comment on choisit les personnages ? Comment on décide? Déjà, alors, moi, tu le sais, déjà, j'ai un peu de mal avec le titre, tous les Mickey du monde, mais je suppose qu'on est obligé, quand on est sur une radio, qu'un de plus, de prendre un titre un peu plus parlant aux gens. Parce que tous les Mickey du monde. Parce que Betty Boop, par exemple, est née quasiment avant Mickey, ou en tout cas en même temps. Donc, a priori, c'est pas un Mickey, ou c'est pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un terme générique. Un terme générique, quand même. En fait, il y a une astuce aussi dans. Enfin, une astuce. On va essayer de ne pas parler de Mickey, de Walt Disney. L'idée, c'est juste de montrer que voilà, le dessin. On ne peut pas renier ce que fait Walt Disney. Et l'idée de l'émission, c'est de chaque semaine c'est de ça, parler d'un héros autre que Walt Disney. Mais en revendiquant quand même. Objectivement, c'est quand même lui qui a popularisé le cinéma d'animation. Bon, après, tout le monde a essayé d'en sortir. Donc, Il l'a fait passer pendant quand même. Il a donné ses lettres de noblesse. Oui, et pendant 50 ans, il l'a fait aussi passer dans un tunnel. Ah, ben ça, c'est clair. Dans un beau tunnel, doré. Oui. Hein, soyons clairs. Mais quand même, pendant 50 ans, en effet, on est environ les années 30. C'est-à-dire qu'à partir de Blanche-Neige, allez, j'exagère. Une grosse trentaine d'années. La guerre n'a évidemment malheureusement pas fait de bien aussi à la culture et là, à l'animation. Mais c'est évident qu'il y a aussi quelque chose d'une cage dorée. C'est-à-dire que c'était pour les enfants. Et c'est vrai qu'à part le long métrage, avant Yellow Submarine, Fritz the Cat, etc., c'est vrai, avant la fin des années 60, il n'y a plus grand-chose. Mais on ne remet pas en cause, bien évidemment, le talent et le génie de Disney pour prendre des gens. Il suffisait d'aller au Grand Palais pour se rendre compte le talent énorme. Moi, souvent, ce qui m'embêtait, c'est que je me disais, pourquoi ils ont mis des personnages dessus, parce que les décors sont tellement magnifiques. Parce que c'est Marie Blair, parce que tous ces gens-là sont tellement extraordinaires. Ouais, c'est vrai qu'on a presque envie. L'image de Alice au Pays des Merveilles, par exemple, c'était incroyable. C'est incroyable. Les décors. Ouais. Les essais faits au début. Les essais aussi. Sont sublimes. On a vraiment envie de voir ça. Alors, comment on choisit? Il y aura Betty Boop, Les Simpsons, Wallace et Gromit, Les Shaddock, Bugs Bunny, 5 émissions. Bah, comment on les choisit? Le principe, donc, c'est chaque semaine, le pari, c'est chaque semaine, on fait une heure sur un héros de dessin animé. Et à travers la petite histoire du petit héros, on essaye de raconter un peu la grande histoire du cinéma d'animation. C'est en fait reprendre à l'envers ce que j'ai fait sur France Culture, mais en essayant d'enrichir le propos avec des extraits, des interviews, etc. Alors après, comment on les choisit? Faut rester grand public quand même. Enfin, moi, j'ai pas. La question, sur qui on peut tenir une heure, il n'y en a quand même pas 9 millions, enfin il y en a quand même beaucoup, mais il faut partir sur l'évidence. Betty Boop, c'est la base, parce que c'est quand même les frères Fleischer, il faut, enfin voilà, tu connais mieux que moi, il faut en parler. Ils ont vraiment inventé, pas tout, mais presque, dans le cinéma d'animation. Alors après, ils étaient beaucoup moins apparemment bons gestionnaires que Walt Disney, un peu plus bordélique. En plus, c'était deux frères qui se chamaillaient. Donc évidemment, ça. Ils avaient un bon esprit, voilà, qu'on pourra retrouver après dans le cinéma d'animation. Donc, et puis Betty Boop, c'est vraiment une. Ce qui est incroyable, c'est que Betty Boop, il y a quoi, un épisode. C'est sur 10 ans, mais j'avoue que d'un seul coup, là, c'est une colle, mais il y a. Bah, disons qu'en tout cas, la période où elle est avec des petites jupes, etc., oui, c'est très court, quoi. C'est très maintenant, je l'ai écrite il y a quelques semaines, de tête, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est sur une. Il y a plus longtemps. C'est sur une période très courte. 32, 36, un truc comme ça, non? Alors, 30, 34. C'est 30, 30 34. Alors. 1, 30, et ça va normalement. En 4 ans? Jusqu'en 40, mais. Mais bon, à partir le code ACE, quand elle est censurée, c'est 1934. En 4 ans, et tout le monde. En 4 ans, elle fait parler d'elle, on voit ses froufrous, il y a sa jupe qui vole, et on s'en rappelle encore aujourd'hui, il y a encore des t-shirts, on se balade avec des t-shirts Betty Boop, donc celle-là, c'était évident qu'on ne pouvait pas la rater. C'est vrai que la seule héroïne, encore aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle, des spécialistes du cinéma animation, je leur demande, et même des non spécialistes, c'est encore, à ma connaissance, à part au Japon, mais l'une des seules héroïnes d'un récurrent comme ça qui a eu énormément d'épisodes, assez forte et assez féministe, tout en étant sexy, enfin une femme vraiment à part entière, sans avec tout ce qu'elle peut donner, on va dire, et il y en a très peu. Et, ouais. Pour moi, il y en a même quasiment pas qui ont été sur un long terme, en tout cas. Donc voilà, donc Betty Boop, c'était Boop, évident. Ouais. Les Simpsons, parce que je voulais une série récente. Bon, c'est ça, le deuxième, c'est ça, le 4 août. Non, le deuxième, ça sera. Ah oui, le deuxième sera les Simpsons. Oui, c'est ça qu'on va pas par ordre chronologique. Non, pas c'est tout. Vraiment le plaisir. D'ailleurs, je commence par deux Américains, alors que ça s'appelle tous les Mickey du monde. Donc, j'aurais préféré faire un Français, un Italien. Au départ, je voulais faire aussi la Linéa. Après, on fait un tri avec le. Avec France Inter, enfin avec la direction de France Inter, moi je. C'est déjà vachement bien qu'il y ait une émission d'une heure, à une heure de grande écoute quand même, sur une grande radio nationale, sur le dessin animé. Je suis. Ah, ce sera la dernière chose. J'espère pas, quand même. Non, non, je pense pas. Bien, mais bon, faut parler au grand public, il faut parler avec de héros qui ont une ampleur. Donc voilà, donc les Simpsons, c'est évident parce que le film sort d'abord, et puis parce que c'est une marque dans le dessin animé, quoi. Je veux dire, après South Park, il y a avant les Simpsons et après les Simpsons, puisque après ça va inspirer pas mal de gens. Dans tout un système de... Plus que dans l'animation. C'est là où la Ford des Simpsons, en plus, encore plus que Betty, Betty Boop. C'est les Simpsons, en effet. Bah, les Flintstones, ils en sont à la 19e saison. Ils entament leur 20e, c'est ça. 400 épisodes. Enfin, c'est plus fort que Scooby-Doo, je crois. Hein. Oui. Non, Scooby-Doo, à l'époque, c'était le plus... Autrement plus... radical, et ça va d'autant plus dans les choses que Scooby-Doo, justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça bouge quand même énormément de... ça n'hésite pas à se moquer d'absolument tout le monde. C'est quasiment du politically incorrect, enfin non correct, qui se fait quasiment plus, je veux dire, avec une famille, avec... c'est étonnant. Donc les Simpsons, en effet, les Simpsons, après, on va faire les Shadows, évidemment, parce que la voix de Claude Piépu à la radio, il ne faut pas s'en passer. Et puis parce qu'il y a plein d'histoires derrière qui sont vraiment très intéressantes. Moi, j'ai pu rencontrer justement Robert Cohen-Salal, qui a fait la musique des Shadows. Il faut que je ne confonde pas les deux, quand même. Un tout petit peu avant, les Shadows. La musique concrète, il m'expliquait que Pierre Schoeffer, il a poussé pour les Shadows, parce que justement, ça permettait de populariser la musique concrète. Je trouve ça génial comme idée. Ce qui est vrai, c'est que la voix des Shadows, c'était son frère, le frère de Robert Cohen-Salat, qui était des... Voilà, les Shadows. Après, on est obligé de faire un choix. Après, qu'est-ce que j'ai... On va faire, voilà, c'est Gromit, qui est quand même une émission pas facile à préparer, parce qu'en termes d'extrait sonore, là, on va ramer, parce que Gromit à la radio, là, je galère. C'est limite. Hein. J'ai des petites expressions quand il souffle, et encore, j'en ai pas beaucoup. Non, c'est sûr. C'est sûr que... Et on terminera. C'est plus intelligent des deux, en plus. Comme quoi, et il parle pas. Et on s'en va. Alors, avec moi, Nicolas, ne me regarde pas comme ça. Il me regardait par rapport à moi, dire ah, tu vois, lui, il parle pas, il est intelligent. Ok, ça se paiera. Oui, Laurent, excuse-moi. Et on terminera par Bugs Bunny, parce qu'il fallait terminer avec un héros de la Warner. Voilà, c'est une première salve. Hein. C'est vrai qu'on espère une deuxième. Bah, je ne sais pas, moi. On va avant de finir avec Laurent, on va en parler. On va juste se faire plaisir. On l'a déjà entendu, mais il y a peut-être plein de gens qui ne l'ont pas entendu. On va se faire plaisir avec un petit extrait d'un documentaire qu'il y a sur le coffret des Shadows. Donc on va entendre ça. On va entendre juste avant. Encore une fois, mais la technologie, ça fonctionne. La piste, je vous dis tout, 14, où on devrait entendre Peter Lorre, normalement la voix incroyable de Peter Lorre. On devrait entendre donc Jacques Rouxel, avec au début, vous entendrez Jean-Yann. Et si tout se passe bien, on aura un petit mot de fin de Hitchcock. On écoute ça de suite. I am very funny. The best friend I ever had in the whole wide world. What was your name, friend? Toute cette virulence, n'est-ce pas, toute cette hargne qui s'est abattue sur le RTF à la suite de la diffusion des Shadows, eh bien, ça aurait dû s'abattre sur le monsieur qui se trouve là et qui dissimule sa rouerie derrière des moustaches, car en fait, voilà pour la première fois à l'écran, en chair et en os, monsieur Rouxel, qui est le papa des Shadows. Né à Cherbourg en 1931, un bac obtenu au lycée international de New York, c'est pendant son service militaire dans la marine que Jacques Rouxel cultive son goût pour le dessin. Je suis resté 2 ans et demi, 3 ans, je ne saurais pas très bien, dans la publicité. Mais en fin de compte, ça m'emmerdait. Je me suis dit, arrête de faire le con. fais quelque chose qui t'intéresse. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire de la télévision. Et comme par ailleurs, ça me plaisait beaucoup de dessiner, que je dessinais déjà beaucoup, je me suis dit, tu vas faire du dessin animé de télévision. Voilà, je résume. Hein. Premier projet... C'était des spots de 30, peut-être une minute, je sais pas, avec juste un gag, hein, avec un oiseau qui ne s'appelait pas le Shadow encore. C'est avec ce projet-là, sous le bras, que je fais le tour de différentes productions qui ont fait la fine bouche, jusqu'au jour où je suis arrivé au service de la recherche de l'ORTF. Le service de la recherche avait été créé par Pierre Schoeffer pour promouvoir la musique concrète. Et puis, ma foi, on lui a dit à un moment, bon, quand même, ne faites pas que de la musique, c'est intéressant aussi de faire de la télévision et du cinéma. Et donc, il a fait du cinéma. Le service de la recherche de l'ORTF, le premier gars qui m'a reçu là-bas, il m'a dit, ah, en voyant le dessin vachement simple, il dit « Ah, ça tombe bien, on a justement une machine exactement adaptée à ce genre de graphisme, le fameux animogramme. » Les animateurs devaient faire leur animation sur des lignes de surface qui n'étaient pas plus grandes hautes que ça, à peu près 7 cm sur 5 cm de haut. On ne peut pas faire Blanche-Neige là-dessus. Hein. En fait, l'animogramme, c'est ça qui est un peu imposé, le style. Si j'avais commencé à travailler sur du format grand comme ça, j'aurais peut-être fait du Disney. C'était un prototype. À l'ORTF, vous savez, dans la recherche, tout au moins, on faisait beaucoup de prototypes, mais on en faisait un exemplaire. Le prototype, au bout de la première série, a rendu l'âme. Alors, ces Shadows, qu'est-ce qu'ils ont vraiment changé depuis le début? Parce qu'ils sont nés quand? 68, Jacques Roussel. Effectivement, le 1er mai 68. Le 29 avril 1968. C'est parti. C'est parti, au bout d'une semaine, déjà, les téléspectateurs protestaient. Hein. Au bout d'une semaine, ça commençait à faire du jeu-pro. Et arrivé au 13 mai, vous savez ce qui s'est passé. Hein. Ils lancent la grève générale, mais craignent déjà la contagion. Plus de télé, plus de Shadow, plus rien. La télévision, le spectacle était dans la rue. Hein. De la même façon que les gars de l'UPA étaient en rupture avec le style disneyien, moi aussi je suis totalement en rupture avec le style disneyien. Hein. J'aime pas ça. Au niveau du graphisme, bon, alors là, il y a des quantités. Il y avait quoi? Il y avait André François, il y avait Unger, il y avait surtout cet Américain qu'on connaît pas beaucoup maintenant, qui s'appelait Steinberg. Il y avait donc un trait tout à fait dépouillé et qui séduisait énormément. Et je me suis dit presque aussi, si je fais du dessin animé, ça sera dans ce style-là. Et de fait, les tout premiers Shadow, je crois qu'on pourrait les retrouver dans les bouquins de Steinberg. Dès le départ, les Shadow ont été conçus dans un style qui s'inspirait de Steinberg, c'est-à-dire un truc extra plat, sans relief ni rien du tout. Même les décors sont à plat. Si on introduit une tension, si on introduit du relief, bah, tout de suite, c'est plus du Shadow. Je lisais un certain nombre d'auteurs, et parmi ceux que je préférais, mais que je préfère toujours, il y avait Alphonse Allais, il y avait Jarry, bien sûr. Hein. Pour le non-sens anglais, c'est vraiment Edward Lear, celui qui a inventé les limericks. Il faisait lui aussi son texte et il faisait ses dessins. Je trouve les Anglais très sympathiques. Et comme Jimmy est en principe des petites personnes très gentilles, etc., très sympathiques, je leur ai donné le nom de Jimmy, Great Britain, en français. Il y avait les Shadows bêtes et méchants à côté, et Jimmy mignon et intelligent de l'autre côté. Comme les Shadows étaient idiots, je lui dis, bon, ben, faisons-les encore plus idiots qu'ils sont, disons qu'ils n'ont que 4 mots, par exemple. Gabusons-nous. 4 ou plutôt 4 syllabes. Il y a Bubu, par exemple, il y a Buga, c'est un mot différent, tu vois. Is not only so I didn't try it. Ok, donc c'était à la fin, c'était un petit bout de d'Alfred Hitchcock, vous n'avez pas entendu, mais c'était très drôle. C'est en fait, il dit, alors c'est évidemment, ça s'est tiré de l'émission Alfred Hitchcock présente, et il dit, je croyais que ça tombait bien pour l'émission radio, tu fais, faut pas changer de chaîne, parce que ça peut être très dangereux. Donc je crois pas que vous vouliez faire ça. Donc ne faites pas ça, restez avec nous sur Bulle de Rêve, où on va parler avec Laurent, on va finir par parler avec Laurent Vallière de son émission, qui commence donc le 4 août sur une autre petite radio, France Inter, où il va nous parler, donc on a entendu, hein, Betty Boop, Simpson, Wallace et Gromit, Shadow et Bugs Bunny. À quoi on peut s'attendre? Parce qu'une heure, c'est énorme. À quoi on peut s'attendre pour chaque émission? Un inventaire de la série, par exemple, en Bugs Bunny, une chronologie. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va essayer de la construire correctement, donc on va essayer de mettre des sons, des extraits, faire entendre ce que c'est. La jeunesse, raconter la jeunesse, il y a toujours des histoires incroyables. Parler des auteurs, parce que voilà, je regarde Émilie, mais vous êtes tous dans votre coin. Vous avez tous commencé dans votre coin, vraiment, dans leur bureau. Alors après, c'est étonnant. Alors après, il ne faut pas qu'on se répète non plus, mais c'est vrai que tout le monde a commencé comme ça. Hein, En animation, à tester, comme dit... Il dit pas comme ça, Peter Lord, le Peter Lord qui oui, a oui, avec alors, Peter Lord. Pas qu'on avec Peter Lord, on a entendu la voix tout à l'heure et Peter Lord était bien sûr l'acteur. Peter Lord, le fondateur de Hardman avec Dave Sprexton, il explique dans une interview que en fait c'est comme jouer au piano quoi, parce que c'est très facile en fait d'apprendre le piano, mais après il faut jouer pour de bon. Et donc la pâte à modeler, bah, c'est pareil, on apprend en une heure, mais après il faut s'initier. Et on va essayer voilà de raconter beaucoup d'anecdotes aussi, parce qu'il y a plein d'anecdotes. Alors, je suis sur Wallace et Gromit. Est-ce que vous saviez que Gromit parlait au début? Il a commencé par faire parler Gromit. C'est vrai. Bah, ça m'aurait arrangé de récupérer le son d'ailleurs pour mais voilà, il y a des petites anecdotes sur comment les personnages ont évolué, peut-être donner quelques détails sur par exemple techniquement comment est fait une animation. Il y aura des spécialistes qui interviendront, Alexis, mais aussi Olivier Cotte qui a écrit un super livre sur l'histoire du cinéma d'animation, Philippe Moin qui a écrit sur l'histoire du cinéma d'animation en pâte à modeler, évidemment des interviews donc pour les Simpsons, Matt Groening, Al Jean, qui est un des scénaristes, qui est là depuis le début d'ailleurs, ou les doubleurs, j'ai été à une séance de doublage des Simpsons, c'est rigolo comme tout, de les voir travailler, et leur poser des questions sur justement, parce que eux ça fait 18 ans aussi hein, qu'ils travaillent et qu'ils doublent les Simpsons, sur les Shadowgs, des interviews, enfin voilà, essayer de faire vivre l'émission avec pas mal d'intervenants pour que ce soit rythmé, parce que l'idée c'est faut que ce soit rythmé comme un dessin animé. Un problème sur une heure ça change. on a calculé, faut que ça soit un peu vivant. J'espère qu'on va réussir. Et là, tu nous as parlé évidemment des Simpsons, des choses qui sont, même si les Shadows commencent, mais pour Betty Boop et Bugs Bunny, J'ai des archives. Donc voilà, est-ce qu'on a la chance d'avoir, peut-être, je sais pas, Tex Avery ou Chuck Jones ou J'espère, parce que je suis en contact avec un gars qui est formidable, qui s'appelle Joe Adamson, qui a écrit tout un livre sur Bugs Bunny, qui est à Los Angeles, qui a interviewé, mais en fait, Tex Avery donne des très bonnes interviews. Donc. Et il en a, il a aussi interviewé Chuck Jones, il est en train d'écrire un bouquin. Et donc normalement, est-ce que c'est une table en bois ou pas? On va dire. Je touche du bois et j'espère que ça va arriver en temps et en heure. Et pareil pour les frères Fleischer, tu connais forcément ce livre de Leslie Cabarga qui fait un des seuls livres d'ailleurs sur les frères Fleischer, hein, faut bien dire, sur lequel a collaboré... quelqu'un qui s'appelle Ray Pointer, qui a une boîte à Los Angeles où il vend, il commercialise des documentaires sur le cinéma d'animation ancien, notamment sur les frères Fleischer. Il a des archives qu'il m'a prêtées. Donc on entend un petit peu des petits bouts de ce qui s'est passé pendant un des procès qui s'est passé pendant la courte carrière de Betty Boop, puisque Betty Boop, en quelques mots, a été inspirée très fortement par une jeune chanteuse qui avait lancé la mode du Boop-Boop-Pidoop et elle a porté plainte au bout de 4 ans quand sa gloire est passée et que elle s'est dit, tiens, pourquoi je ne demanderais pas $250,000 au frère Fleischer pour copie. Et voilà, et donc j'ai quelques archives sonores de cette époque. Voilà, on va essayer de mélanger comme ça des sons, des interviews, des archives. Maurice Chevalier qui parle de Betty Boop et d'autres choses comme ça. Oui, parce que Maurice Chevalier, en effet, on a Betty Boop fait un hommage à Maurice Chevalier dans un dessin animé. En effet, elle imite Betty Boop, imite. Et lui-même, Maurice Chevalier parle dans le dessin animé. Il lui parle, en effet. Hello, Betty Boop, comment ça va? Waouh, tu fais bien, Maurice Chevalier. Maurice Chevalier qui parle à Betty Boop. Ok, et donc, dans le futur, on a une possibilité. Que Laurent Maillard récidive et qu'on ait sur France Culture ou sur France Inter ou sur notre radio des émissions comme ça. Peut-être, est-ce que maintenant t'as pas. Parce que ça commence à devenir important. C'est-à-dire, on est passé de le cadre d'une demi-heure, c'est ça, sur France Culture, maintenant à une heure complète sur quelque chose. Est-ce que tu as des envies, en tout cas, d'aller un petit peu plus loin dans certains. Oui, parce que dans l'émission japonaise ou ce genre de choses. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, et je participe toujours en tant que chroniqueur spécialisé animation justement à France Culture, à l'émission grande émission de France 1 juillet qui s'appelle Mauvais Genre, qui est diffusée le samedi à 21h et qui parle de tous les autres genres, genre polar, fiction, et régulièrement il parle de science-fiction, et régulièrement il parle de dessins animés, et de manga, et de bande dessinée. Et tu peux en parler en court-métrage aussi, ou pas? Oui, bien sûr, ouais. et puis une autre émission de France Culture, enfin voilà, je suis un peu leur intervenant spécialisé animation. pour la, prêcher la bonne parole. Et ils t'en font, ils font appel à toi souvent. Et oui, mais c'est en termes de quand il y a des événements, quand il y a des. T'as fait quelque chose sur Annecy ? Voilà, bien sûr, oui, sur Annecy, sur Auch, sur Anima. C'était Annecy, tu avais déjà été, ça fait combien d'années que tu vas à Annecy ? Ah non, Annecy, c'était la première fois. C'est la première fois, ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé d'Annecy ? Oui, c'est un peu, je sais que c'est un peu, mais juste, qu'est-ce que t'as retenu ? Parce que la dernière émission qu'on avait faite, il y a, je ne sais plus, trois semaines ou un mois, enfin, t'es sur le festival d'Annecy, oui, qu'est-ce que t'as retenu, ou même comme événement, tu parlais de Pixar, ou qu'est-ce qui t'a marqué dans le festival d'Annecy, ou déplu, ou marqué, enfin... Ah non, moi j'aime bien l'esprit bon enfant du festival, enfin, qu'il y ait plein de jeunes dans les salles, que ça soit plein à craquer, c'est quand même déjà une bonne nouvelle, je trouve. Après, côté sélection, moi j'ai été... Bah, ça, les longs métrages, c'était super bizarre de voir des films qui étaient sortis depuis longtemps, qui étaient en compétition, donc on, Paprika, Azur et Asmar, mais en même temps, je trouve ça bien qu'ils essayent, qu'ils prennent en compte le fait que le long métrage aujourd'hui est aussi présent dans les salles de cinéma. Bon, d'ailleurs, c'était super bizarre de voir que Persepolis avait fait l'impasse, parce qu'en gros. Marjane Satrapi n'est pas venue au festival. Mais c'est pas fini l'animation. Voilà, à cause de cette stratégie de distributeur, c'était intéressant. Et puis moi, pour celui qui est vraiment fan d'animation, c'est parfait. Quoi. On peut aller à des séances. Il y a des séances où il y avait par exemple Sony qui présentait son futur dessin animé avec des techniques absolument hallucinantes. Tu as vu ça Non, j'avais pas été le voir. Surf. Alors, en fait, ils ont fait. Ils ont inventé la télé-réalité en dessin animé. Ça veut dire... ils ont montré le dispositif, c'est très compliqué. Oui. Et en fait, ils ont... Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, parce que c'était une conférence qui durait une heure, c'était en anglais. Moi, j'avais fait le malin, je n'avais pas pris l'oreillette. Mais en gros, ça c'est un truc hallucinant quand même. En gros, vous avez l'animateur qui fait son dessin, qui fait son image en 3D. Et après, il y a un caméraman, un vrai caméraman, qui se balade avec une caméra... Mais apparemment, il n'y a pas de, il y a rien au bout de l'objectif. Hein. Et, ou alors il y a peut-être quelque chose. Ou alors, mais comment dire ? Venez voir. Si, voilà, c'est ça le truc. C'est que, donc, est projeté sur un grand écran l'image de ce qui se passe. Et le caméraman filme. Et évidemment, ça bouge beaucoup. Et, Comme le micro. Comme tu me l'as avec les mains, vous ne voyez pas Laurent qui fait des grands gestes. Caméra bouge beaucoup, comme dans n'importe quelle série de télé-réalité. Et à l'écran, eh ben. Je pense que numériquement, la caméra dit à l'ordinateur, finalement, Coco, tu vas me faire telle scène. Et donc, à l'écran, tu as un décor en 3D qui bouge comme si c'était une télé-réalité. C'est assez rigolo, quand même. Mais est-ce que c'est clair Non, alors, c'est pas clair. Comment dire ? Eh bien, c'est comme si... parce que normalement, la 3D, c'est lisse, c'est plane, c'est un peu... C'est-à-dire qu'il donne un mouvement de caméra un peu... très très brusque, des shots, un gros zoom sur, tu sais, par exemple, là il y a le héros qui sort de la plage avec son surf parce qu'il vient réussir sa compétition, et donc il y a un gros zoom très rapide à la caméra qui est mal fait, mal cadré. Documentaire en fait, dans le côté plus... parce que je ne comprenais pas tellement le côté télé-réalité. Documentaire. Il y a un côté documentaire sur dans le sens où... En 3D. Et c'est assez rigolo la façon dont c'est fait, et ça marche. C'est très ironique, mais ça marche. Mais on a déjà fait ça en 3D. Enfin, des côtés documentaires avec d'un seul coup, je sais pas. Enfin bon, ça demande à être vu en tout cas. C'est un film qui s'appelle Surf's Up qui sort, ouais, je ne sais plus quand en France. À l'automne avec. Parce qu'on fera un jour, hein, je vous l'avais déjà dit, avec ce summum d'originalité. Des pingouins, ça n'a jamais été fait. Et ils ont décidé de prendre des pingouins. Waouh! Mais moi j'étais parti avec ton a priori et je m'étais dit c'est quoi cette grosse daube. Mais les quelques extraits, évidemment ils ont choisi les meilleurs extraits. Donc on a minutes, etc. Les quelques extraits étaient assez ironiques, ouais. C'était et assez bien vu quand même. Mais après il y a toute l'histoire du pingouin qui va surfer, qui va se retrouver. Parce que l'idée, c'est, le pitch, c'est le pingouin qui va aller à Hawaï. Il y a des aventures documentaires. Faut toujours se méfier évidemment des extraits. J'ai vu même genre que Persepolis, j'étais voir Shrek 3. Oui, je sais, on a tous des fois des égarements. Et c'était un véritable égarement. Alors par contre, je peux vous conseiller pour Shrek 3, juste regarder la bande-annonce. Et là, vous avez tout dans la bande-annonce. Ça arrive de temps à autre, pas tout le temps. Mais vous regardez la bande-annonce et tout ce qui est un peu drôle est dans la bande-annonce. Sauf un même pas coupé d'ailleurs. Hein. C'est la séquence des. Quand les oiseaux avec Led Zepp, non, parce qu'il y a les oiseaux avec Led Zepp à un moment donné. Il y a aussi la seule chose drôle, c'est le chat qui prend la voix de l'âne et puis l'âne. Enfin bon. Enfin, vous pouvez ne pas aller le voir en tout cas. J'espère que vous n'avez pas été le voir. Et, peut-être qu'ils l'enlèveront comme ça plus rapidement des écrans. Ouais, non, je crois que ça marche bien. Mais malheureusement, ça marche bien. Mais donc voilà, en tout cas, merci Laurent. Quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Donc c'est le 4 août, tous à les samedis. À partir du 4 août, tous les samedis à 21h sur France Inter pendant une heure. Pendant une heure, bon bah c'est bien, on va écouter ça. Évidemment, c'est écoutable ensuite sur. Et c'est podcastable. Sur le site. Vous tapez on peut les récupérer parce qu'en fait, on pouvait faire ça pour France Culture. Ah oui, mais c'est. Bah ouais, mais ça, c'est l'histoire de droits d'auteur. C'est très, très compliqué, les droits d'auteur. Et là, ça sera possible. Donc vous pouvez même aller voir tout de suite sur le site de l'émission, puisque c'est en ligne. Enfin, il n'y a pas d'émission en ligne, mais il y a déjà une présentation. Sur radiofrance.com www.franceinter.com carrément, et puis ensuite et vous cliquez sur émission et après tous les Mickey du monde. Bon bah c'est génial, on va se faire plaisir. Je vais vous faire même l'écrire un peu en anglais. On t'écrira comme ça si jamais vous avez des choses à dire à Laurent, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose ou quoi, vous n'hésitez pas à lui écrire donc sur le site. On va écouter parce que je l'adore et puis parce que comme disait un peu en antenne, on devient tous un petit peu en vieillissant, Homer Simpson. Donc on va écouter Homer dans une parodie, évidemment on espère que la technique fonctionne, mais on va dire que oui, dans une parodie de Shining, où vous allez voir, il va dire pas de bière et pas de télé rend Homer, il n'arrive pas à trouver le mot, et Marge lui dit fou, et là il dit oui fou et je veux le devenir, et donc il devient fou complètement. On va écouter deux petites choses intéressantes où on entend parler de Mel Blanc étant la voix énorme de la Warner, notamment de Bugs Bunny. On va d'abord l'entendre, ça dure 4-5 minutes, c'est en anglais, non sous-titré évidemment. 4 minutes où on va l'entendre un petit peu parler de pas lui évidemment, mais son fils et les animateurs, à quel point il était important. Et ensuite on entendra son fils qui parlera de pourquoi la voix de Bugs Bunny a été l'une des voix préférées de son père. C'est deux petits documentaires, donc ça dure en gros 5 minutes les deux, qui sont tirés de très beaux coffrets Looney Tunes en zone 1. Et juste après, pour le plaisir, après peut-être que je le remettrai même, on va entendre 32 fois Do par Homer Simpson. Donc on écoute tout ça dès maintenant. No peace. You don't mind if I do. Screwy duck. I knew I should have taken that left turn at Albuquerque. My father, Mel Blanc, who would always wake me up in the morning with, me, what's up, Noel? You know, he would always do stuff like that. He got into the voice business because he loved doing voices. That's what I've been telling you, boy. I am a chicken. Mel was working for all the studios in Hollywood, except Disney. And Warner Brothers decided this guy is doing too many of our lead characters. He's really talented. We've got to sign him exclusively. And they did, 1941. And that lasted about at least 25 years. Oh, goody! Mel really was one of the key guys. He was a catalyst for a lot of the other creativity in the studio. Mel would sight read and he'd go and see the storyboard. Out of left field, to come up with a character, a voice, you know, that would fit. Hello, Fred. Hello, Ralph. Without him, there wouldn't have been any characters. That voice is what made it. Flattery will get you nowhere. Yeah, well, of course, the looks of it, but it was the personality which Mel put into it. I thought I talked pretty care. Mel Blanc was really a genius. You tell him what you wanted, and he did it. I did talk pretty care. My dad was like a method actor. He became the character. I'm Yosemite Sam, the meanest, toughest, rip-roarinest, Edward Everett Hortonest hombre, whatever packed a six-shooter. You could turn off the sound, sitting in a sound booth, and watch my dad perform in the other room in front of a microphone, and you knew exactly what character he was doing. Can you think of any other actor on camera or off with such energy? On top of that, he could break your heart, as he does in Bugs Bunny Gets Deployed. Or Birds Anonymous. I gotta have a bird! He can make you cry as well as laugh sometimes. It's so touching and so great. Did I hurt you with my naughty gun? Oh, shucks. He liked working off of other actors in the room. And occasionally he had other actors in the room, be it Arthur Q. Bryan, June Foray, or Stan Freberg. Probably every 10 days I would come in and do another cartoon with Mel. Hey, Spike, how about we chase cars, huh? Does that sound like fun? Mel and I would be working in the middle of a set. Sometimes it was wherever they had a mic, and I was thrilled beyond belief to be standing there with Mel Blanc. How many lumps do you want? Oh, 3 or 4. And I realized I was working with the best in the world. Several voices were altered for speed to give them a little bit higher timbre, a little bit faster rate of speech. Tweety, Speedy Gonzales, Daffy Duck, Porky Pig a little bit. And those were altered and sped up from 18 to 20%. Hello, breakfast. My dad's real voice is Sylvester with a lot of spit coming out of his voice. Scram, swallow, back to Capistrano. Yeah, Sylvester. Suffering sucker slash. I thought I tore a pussy cat. Pay attention, sonny. What's up, Doc? Stop breathing on me, you idiot! My name is Wile E. Coyote, and I'm a genius. Arriba, andale! You're despicable. That's all, folks. Of course you realize this means war. Bugs Bunny, my dad's favorite character. How did it happen? When they showed him a picture of Bugs, he had these big buck teeth. And my dad said, oh, he's going to have to talk like this because the teeth are just sticking out of his mouth so much. So Bugs sounded completely different. He had a voice like this. And Dad said, let's put the teeth back in the head. What do you mean, rabbit? And his voice became higher, and he took a little Brooklyn and the Bronx together. Listen, and melded them to sound a little New York-y. Mel Blanc gave him a great character. This, what's up, Doc? The way he said it. What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc? And so we're watching him seeing recording session, and then we try to animate it just like that. Persistent little cusses, ain't they? Voilà, donc, Ville de rêve. Ça me fait toujours autant rire. Je l'ai écouté 25 fois, 50 fois, mais j'avoue que ça me fait toujours autant rire, la force de la voix. J'espère que vous avez compris, pour ceux qui parlent bien anglais, c'était assez passionnant. C'est vraiment vous dire à quel point la voix est importante, et notamment des animateurs expliquer à quel point les intonations de Mel Blanc les avaient aidé leur manière de percevoir Bugs Bunny, et que ce type qui faisait les voix était à quel point il était important dans la création aussi des personnages. Voilà, donc c'était Laurent Vallière que vous avez entendu. Laurent est parti, on a parlé pendant un long moment. J'arrive en retard, on est un petit peu en retard. C'est rien de pas, et on va parler avec Émilie. Merci. Ok, Émilie, bonjour, qui est restée, qui s'est tue pendant une heure. Émilie, toi tu travailles, donc on va parler de manière différente. On va d'abord parler un peu de ce que tu fais dans le milieu de l'animation. Et ce qui m'intéressait de t'avoir ici, je suis très très content de t'avoir ici. Parce que ce qui me permettait, c'était ensuite de parler... de voir ton application aussi par rapport au monde de l'animation, on va dire dans son côté historique ou en tout cas dans son côté contemporain, on va en parler, c'est-à-dire les auteurs, pourquoi il y a des auteurs que tu aimes ou des choses comme ça, et en quoi l'animation aussi t'intéresse par rapport à ces auteurs. En premier, on va commencer. Donc toi, tu travailles, tu fais plein de choses dans l'animation. Tu te rappelles, c'est un peu une facilité de journaliste, mais j'aime bien cette question, je ne sais pas pourquoi. Tu te rappelles la première fois où t'as eu un déclic par rapport au monde de l'animation? Est-ce que tu dessinais? C'est quoi le premier déclic? J'étais étudiante en illustration à Bruxelles, à Saint-Luc. J'avais décrété à l'âge de 6 ans que je serais illustratrice. Je suivais mon petit chemin tranquille, sauf qu'il y avait un festival d'animation et je suis allée voir par curiosité. J'ai été vraiment stupéfiée, frappée par les courts-métrages. Et j'ai décidé que finalement, il fallait absolument que j'enchaîne cette école d'illustration sur une spécialisation en animation que j'ai faite au Gobelin en storyboard layout l'année suivante. Ah, donc un vrai bouleversement. Complètement. Et tu te rappelles les films qu'ont mis le feu aux poutres, qui t'ont un seul coup dit « il faut que je change » ou des noms d'auteurs, ou tu te rappelles de quelque chose qui t'avait marqué? Bah, j'ai découvert en même temps Plimpton, Norstein, Nick Park, les films de Hardman. Cette année-là, donc moi c'était en 89, ce bouleversement. Il y avait A Grand Day Out, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. De premier cours de Wallace et Gromit. Hein. Enfin, voilà, exactement, Park, le film d'étudiant de Nick Park. D'étudiant, je me permets. Enfin, en fait, c'était des... qu'il avait commencé en tant qu'étudiant et qu'il a terminé au studio. Après, voilà. Tu vas déprimer les étudiants qui nous écoutent, qui vont dire « c'était son film d'étudiant, donc il a fini quand même au studio ». Et en fait, c'est vrai qu'il y avait aussi un concours de circonstances qui fait que ce premier festival, j'ai pas seulement vu les films, j'ai aussi participé à ce qu'ils avaient intitulé un forum du scénario où 10 étudiants avaient gagné, en participant à un petit concours, la possibilité de parler aux auteurs autour d'une table ronde. Donc tous les matins, on parlait à Norstein, à tous ces gens dont on voyait les films, et en fait, j'ai immédiatement pu mesurer la dimension humaine de ce métier. Que les gens qui racontaient pourquoi ils faisaient ce métier, ça donnait vraiment envie de participer, enfin de connaître ces gens merveilleux et d'entrer dans ce métier. C'est quand même incroyable de finalement se dire que, parce que je ne suis pas sûr qu'en prise de vue réelle, il y ait cette facilité-là de rencontrer, dans les noms que tu as dit, quand même quasiment 3-4 personnes très importantes. Aujourd'hui, je suppose que ça, maintenant que tu connais encore mieux même leur parcours, je suppose qu'à l'époque, c'est encore plus impressionnant peut-être qu'à l'époque de rencontrer finalement Norstein. Je ne me rendais pas bien compte en fait à l'époque à quel point c'était des célébrités, mais par contre, j'avais quand même mesuré que les films étaient grands. Donc en plus, là c'est un privilège de les rencontrer quand même. Différents finalement. De ce dont tu parles. Mais justement, la diversité était vraiment frappante et du coup, une curiosité énorme a été soulevée en me disant, mais dans ce métier-là, je ne vais jamais cesser d'apprendre et de me renouveler constamment. Et voilà. Et pourquoi les Gobelins? Tu te rappelles le choix des Gobelins? Parce que c'était l'école la plus... Oui, il y a une raison très pratique, c'est que je venais de faire 3 ans d'illustration et que c'est vrai qu'à Bruxelles, il y avait la Cambre qui durait encore 5 ans. Que ça ne me semblait pas viable économiquement pour mes parents qui venaient déjà de me payer 3 ans d'études et qu'à l'époque, les Gobelins, on ne pouvait faire que la dernière année de storyboard layout indépendamment du cursus d'anime. Okay. Donc, je me disais, OK, en une seule année, je peux me reconvertir et faire ma bifurcation à 180 degrés, allons-y. Voilà pourquoi cette école et pas une autre, une seule année. Et ça t'a énormément apporté? Je suppose que oui, hein. La question était, qu'est-ce que ça a réellement apporté, les Gobelins, quelqu'un qui a priori se lance d'un seul coup dans l'animation? Il n'y a pas de réflexion avant? C'était un peu particulier quand même, parce que c'était seulement la 2e promotion de storyboard layout. Donc quand même, je peux dire, malgré le respect que j'ai pour l'école, qu'on a quand même un peu essuyé des plâtres. On avait relativement peu d'intervenants. On était un peu encadrés, mais on était quand même souvent tout seul, livrés à nous-mêmes. Mais le matériel était là, à notre disposition. Donc si on avait envie de tourner un film en papier découpé, allez-y, prenez le bon titre. Et du coup, voilà, ça a été une année d'expérimentation avec les autres étudiants. Et on a beaucoup, un peu comme toutes les écoles, appris par nous-mêmes finalement, parce que la pédagogie, à mon avis, n'était pas encore très, très encadrée sur cette année-là. Et donc finalement, tu sors avec juste 1 an d'animation, 3 ans d'illustration, 1 an d'animation. Qu'est-ce que tu décides de... Et encore, au moment de sortir. Même pas et un même an pas d'animation, puisqu'il n'y avait absolument pas l'animation elle-même. Donc, et comme tu dis, en plus, on est sur les plats. Donc, pas non plus. Aujourd'hui, les gens sortent des Gobelins, ils ont quasiment un travail quasiment garanti, etc. Alors que là, c'est... Et même en storyboard, je me souviens, on a eu 2 intervenants. Sur toute l'année, ça ne fait pas énorme, c'est quand pas même. Énorme, ouais. Donc c'était un peu particulier. Et puis en plus, il y a eu une rébellion qui était menée par l'une des élèves qui disait « Mais on n'a pas de prof, c'est nul, il faut qu'on arrête de venir à ces cours. » Donc finalement, tout le monde a déserté sur une promotion de 15. Les 3 derniers mois, on était 3. Waouh. Donc okay. C'était vraiment très particulier. Voilà, mais on avait envie de continuer. On était dans un mouvement, donc on y restait. Et tant pis pour la rébellion auquel on n'avait pas du tout envie de participer. Oui, parce que vaut mieux, dans ces cas-là en tout cas, il vaut mieux construire, essuyer des plâtres. Florentine Grelier, qui était là, qui est une étudiante de Sainte-Geneviève, expliquait bien qu'il vaut mieux, même si des fois c'est difficile, il vaut mieux justement pour peut-être que ça profite finalement aux élèves qui viennent après, et de se dire, après tout, il vaut mieux se battre aussi dans le sens, la rébellion, ça peut être ça aussi, justement, c'est de se battre finalement pour aller dans ce sens-là et d'essayer que les années d'après, il n'y ait plus de profs, il y en ait plusieurs, etc., finalement. Bon, mais nous, égoïstement, on avait un film à faire, donc d'accord, on n'avait pas envie de sécher. Ok, au moins c'est clair. Et donc, le film, tu as fait un film, vous avez fait chacun un film, c'est ça? Alors, non, c'était en fait, on nous suggérait des exercices et on avait un tel besoin d'expression qu'on les transformait en microfilms. Vraiment, par exemple, l'un des exercices lancés par Roger Grange, qui s'occupait de la section, était montrer comment les mouvements de caméra peuvent raconter une histoire. Juste, donc prenez des photos de magazines, filmez-les sur le banc titre et faites-en une histoire grâce à la façon de les filmer. Et en fait, personne n'a pris des photos de magazine, tout le monde a fait du dessin et s'est mis à soit animer, soit... Moi, j'ai poussé du papier découpé avec une pince à épiler. Mais voilà, en fait, on détournait les exercices parce qu'il y avait un côté finalement plus technique que ce qu'on espérait. Et cet exercice-là était limité à 20 secondes. Tout le monde a fait un film d'à peu près une minute. Moi, très obéissante, j'ai fait un truc en papier découpé de 20 secondes et pas 21. Voilà, donc... on ne peut pas vraiment appeler ça un film, 20 secondes, c'est quand même tellement microscopique. Mais pourtant, il y a quand même une histoire qui a été racontée sagement dans ce format. Et donc, quand on sort des Gobelins après cette année, donc un petit peu, comme tu l'as dit, difficile, et à la fois, on apprend quand même beaucoup de choses. Donc, tout à fait enrichissante, absolument passionnante. Avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de continuer à peut-être tenter de faire un court-métrage? Ou alors, on se dit, comme tu as dit, financièrement, c'était de toute façon difficile, c'était pas forcément viable, et on se dit, non, il faut que je trouve un boulot. Alors, il y a une dimension économique que je peux pas renier, malgré le fait qu'effectivement, tout ça a été initié par un véritable coup de cœur au Festival de Bruxelles. Mais, comme beaucoup d'étudiants, il était aussi urgent que je travaille et que je ne dépende plus, que je ne pèse plus financièrement sur mes parents. Donc... Enfin, je voyais à l'univers de la série qui s'ouvrait à moi, parce que c'est ce qu'on trouve à Paris, un double avantage artistique et économique. Artistique parce que je me disais, il est évident que ce que je veux faire, c'est ce qui m'a frappé à Bruxelles, des courts-métrages, mais j'ai besoin d'un bagage technique, donc je vais certainement l'expérimenter si je rentre dans le milieu de la série. Voilà. Donc ton premier boulot, c'est... Tu te rappelles, c'est de suite en sortant ou... Donc c'est immédiatement en sortant, j'ai passé plusieurs tests. Il y avait beaucoup de travail à l'époque, enfin un grand dynamisme, oui. C'était en 91. Et j'ai travaillé au layout sur Tintin. D'accord, donc au studio Ellipse. C'est ça. C'est ça hein, qui commence. Mm. Non, qui avait commencé peut-être un... Qui avait eu toute la production de Babar avant. D'accord. Mais qui était en mutation parce que Babar, les animateurs, toute l'équipe intégrale avec les assistants et les intervallistes était sur place. Or, pour la production suivante, Tintin, ils ont choisi de délocaliser en Corée du Sud. Ça commençait, oui. Voilà, donc finalement, le studio était quand même en pleine mutation. Et puis, il y a eu des changements de direction. Enfin, voilà, c'est... Et donc, pour toi, en deux ans, quand on a un coup de cœur avec Nordstein et on est sur Tintin, c'est frustrant ou non? C'est juste, on apprend. Alors, pas du tout frustrant, parce qu'en fait, j'avais vite saisi qu'il fallait trouver du plaisir à n'importe laquelle des tâches. Enfin, que sinon, c'était pas la peine de faire ce métier. Donc, même très pointu, même très cerné de contraintes, chaque tâche m'a paru intéressante. Donc, au début, j'ai fait 4 ans de layout sur différentes séries successives, toutes chez Ellipse. Puis, j'ai voulu passer au storyboard et du coup, il a fallu changer d'entreprise pour pouvoir changer de métier parce que... Il pouvait céder trop... Voilà, cloisonné. Voilà, c'était cloisonné. Et puis après le storyboard, j'ai voulu passer à la couleur, donc j'ai encore changé d'entreprise. On est à peu près en 95, tu rentres dans... C'est ça. Toujours dans la série? Toujours dans la série, parce que sur Paris, c'était la seule chose qu'on pouvait trouver. J'ai travaillé essentiellement pendant une dizaine d'années sur des séries dites lourdes, des épisodes, 26 épisodes de 26 minutes. Wow. Mais toujours, vraiment, avec cet objectif... sous-jacent de d'apprendre à être autonome dans un maximum de disciplines pour le court-métrage. Et du coup, je continuais à aller à un maximum de festivals pour ne pas perdre le contact et voir ce qui se fait au jour le jour, enfin être au courant, ne pas perdre le fil. Et au niveau du storyboard, la série, est-ce que ça a amené finalement une technicité, quelque chose où, je sais, c'est intéressant, c'est Bruno Le Floch, donc storyboarder chez notamment avec Jean-François Laguioni, hein, pour The Blackmore, etc. Et qui disait qu'en fait, il fallait savoir super bien dessiner pour le storyboard, il ne fallait pas se poser de questions. Lui disait, il faut y aller. On a une case à faire. Il faut pas. Est-ce que par rapport à la série, alors après peut-être pour le court ou pour le long, on peut réfléchir un peu plus, bien sûr, avec le temps. Mais la série, est-ce que c'est ça? C'est l'idée de. Si, c'est complètement vrai. Je pense qu'on peut tenir dans le métier de storyboarder que quand on a un dessin très solide et surtout très rapide. Et du coup, j'ai trouvé cet apprentissage difficile parce que ces qualités-là, j'ai mis longtemps à... Enfin, il m'a fallu déployer beaucoup de travail finalement pour avoir un dessin à la hauteur des exigences de la série. Mais voilà, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et donc, tu es resté combien de temps donc, en storyboard avant de changer de nouveau? Alors, je trouve ça tellement épuisant que je l'ai fait... deux par deux, pas plus. Ouais, c'est. Et voilà, j'ai changé après deux storyboards de 26 minutes. Ma première expérience, c'était cette dimension-là qui est aussi assez rude. Qui est énorme. Parce que normalement, on commence par des épisodes plus petits, mais j'avais pas le choix. Il y avait pas d'autres productions. Je pense que ça s'est diversifié d'ailleurs au fil des années. Les formats des séries, les thèmes, absolument ouais. Tout finalement. Est devenu peut-être le peu fait qu'il y ait des chaînes câblées, le fait qu'il y ait pas exactement, mal de... On a d'un seul coup une diversification. Et voilà, il y a eu plus de spéciaux télé, des choses qui voilà. Tendaient plus vers l'artistique que vers l'industrie. J'ai profité, en fait, plus tard de cette diversification des productions pour continuer à me lancer des défis À partir de quand tu commences à être un peu plus dans... ce que tu avais vu avec Nanstein. Est-ce qu'à un moment donné, tu arrives à être un peu plus avec... Je sais que tu as travaillé... je ne sais pas quelle était ton implication sur Le Loup et trop loup ou ce genre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, ou peut-être pas d'ailleurs dans l'auto, mais est-ce qu'à un moment donné où tu te dis « Ah, là, je touche quelque chose qui me convient un peu plus, on va dire. » C'est effectivement sur Le Loup. En fait, j'ai accepté de travailler sur ce projet parce que ça me permettait de bifurquer enfin vers un projet qui était de dimension beaucoup moins industrielle. En plus, adapté d'un illustrateur que j'admirais beaucoup, Grégoire Solotareff. Donc voilà, la bifurcation, elle s'est opérée à ce moment-là, en 2002. Et ensuite, j'ai cherché à travailler de moins en moins pour des séries, entre guillemets, industrielles, et de plus en plus sur des projets atypiques. Est-ce que finalement aussi le fait de travailler, sans rentrer évidemment dans les détails, mais avec quelqu'un, Le Trop Loup est un film notamment de Serge Elissalde, et qui lui aussi touche un peu à tout et qui se disperse des fois pour le bon et des fois pour le moins bon, un peu dans plein de choses, à savoir dans les séries, dans les spéciaux, il me le disait lui-même par rapport à des choses comme Merlin, par exemple, qui seront peut-être un peu moins intéressants, on va dire, que des choses comme Verte pour les spéciaux, des choses comme Loulou, des choses bah, évidemment comme U, enfin, etc. Et finalement, il y a même une boulimie qui fait qu'on fait plein de choses, des cours, Raoul et Jocelyne, enfin, etc., avec encore une fois du bon et du moins bon, mais quand même bon. Est-ce que des gens comme ça, de rencontrer finalement aussi et de travailler, parce qu'au départ, tu les rencontres, des gens comme Nanstein, alors, qui font pas de série, et là, de travailler avec eux... Ben, c'est vrai que Serge, c'était une rencontre une dizaine d'années avant avoir travaillé avec lui, et effectivement, il y a de nouveau l'imbrication de l'intérêt humain et professionnel, j'avais envie de travailler avec Serge et de m'enrichir à son contact. Et donc justement, tu dis, à partir de là, tu as des projets plus atypiques, tu travailles donc sur quoi? Parce que là, on voit storyboard, tu fais beaucoup de choses, tu fais dans beaucoup de choses. À partir de là, c'est quoi les projets sur lesquels toi, tu t'inspires plus? On est quoi? On est dans les années 2000? Oui, c'est ça. Et en fait, effectivement, après 10 ans de série, tout d'un coup, je me suis dit... il faut vraiment que je pose les premières bases d'un court-métrage parce que finalement je me sens enfin prête. Donc comme Serge était au centre de cet atelier d'anime, Ça m'a décidé aussi. Sandrine Stoyanov m'avait aussi encouragée à franchir le pas et pas être timide dans mon coin. Donc je me suis installée avec eux deux à l'atelier pour adapter un poème pour lequel j'avais eu un coup de foudre l'année d'avant. Donc juste pour Irina Stoyanov, voilà, c'est a réalisé notamment Erika et Sandrinka. Voilà, Sandrine Stoyanov a réalisé Erika et Sandrinka, un très beau court-métrage. Elle a travaillé d'ailleurs, j'ai vu son nom sur Persepolis. Exactement. Puisque je suis bien content, Jean-Charles Fink aussi avait travaillé, beaucoup de gens, je suis bien content de travailler sur certains points. Et... Oui, donc c'est des gens qui d'un seul coup enrichissent. Donc ton court-métrage, donc ça c'est, on est en 2000, le court-métrage il se mature, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui est un peu long. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est juste en deux mots, je sais, tu m'en as parlé, j'ai vu, c'est dans un poème qui, donc c'est moyenâgeux, c'est ça, ça se passe dans un univers moyenâgeux. Tu peux nous en parler juste un tout petit peu. Alors, en deux mots, je suis partie d'un poème écrit au XIIe siècle et qui s'apparente à un conte, et j'aime beaucoup les contes. D'ailleurs, je déplore que dans la série, on ne raconte pas beaucoup de contes. C'est toujours quelque chose, mais bon, je pense qu'il y a c'est économique, le fait qu'on raconte pas ça. Est-ce que c'est économique ou finalement, parce qu'en Russie, là, j'ai vu beaucoup de choses qui viennent de Russie et racontent beaucoup de contes, oui, finalement. Mais je crois que dans la série, finalement, le but, c'est de réutiliser toujours les mêmes personnages et les mêmes décors, et si on fait une série de contes, ça change de décor et de personnage à chaque épisode. Donc c'est pas du tout financièrement viable, et à mon avis la principale raison elle est là, et les Russes sont dans une autre économie. Enfin, évidemment eux aussi ils veulent gagner leur vie. Oui, mais justement, il y a une tradition chez eux de séries. Ils en font assez rarement, mais... Il y en a plusieurs qui ont été coproduites avec S4C, Christmas Film, les Gallois. Et c'était toujours des séries de contes. Déjà depuis une dizaine d'années, il y a eu Shakespeare en animation, la Bible en animation, j'en oublie une. Et puis les contes du monde entier aussi. Voilà. Mais voilà, tout ça, c'est plus difficile à... c'est pas que c'est plus difficile à produire en France, mais... Ça n'est pas le type de projet que la France estime souhaitable de produire, je pense. Et toi, tu veux rester pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui partent. Toi, tu veux rester en France ? Tu veux travailler ou tu es prêt à partir ? J'ai pas envie de partir, j'ai jamais eu envie, en fait, parce que d'abord, j'ai toujours été frappée par la qualité et la diversité de la production française de courts-métrages. Je m'y intéresse beaucoup. Je trouve qu'on a un pays qui est un véritable vivier de talents, donc j'ai jamais eu envie de m'enrichir ailleurs, alors qu'ici, il y avait tant de choses et de gens à découvrir. Donc, on va continuer à parler. On va faire une petite pause, parce qu'on parle depuis longtemps. Et je vais regarder mon dispositif. Normalement, ça devrait être la 21. Et on va écouter... Vous savez, ça fait plusieurs fois maintenant que je vous l'ai fait écouter, mais j'adore cet album. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il tourne dans ma platine. Donc, on va continuer à écouter Oubaoua Spirit, que j'ai ramené du Maroc. Là, on va écouter le morceau qui s'appelle El Kelb. J'adore cet album. Il est vraiment incroyable. Je ne sais pas si c'est possible de l'avoir en France, si vous savez. Je sais que c'est www.obaoba, un peu comme l'Obaoba du Marsupilami. Obaoba, H-O-B-A Spirit, S-P-I-R-I-T.com. Voilà, bah j'adore, donc on écoute El Kelb. حك عليا كل قال لي واش بيك بروبليم ديال القلب راني حسيت بيك حيران واخا حيوان عرف الالوان وجهك حال بحال شي دنجال ما عجبتينيش لا ما عجبتينيش جاي بحال شي كانيش شي كانيش فلانيش جيني نيشان بلا شان بلا فلامان وهضر معايا هضر معايا Ça fait beaucoup plus mal. C'est tout ce qui se passe, tracasse, m'angoisse et me casse le moral. Et c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. C'est la folie qui est à portée de main. Parce que système chill, bel autre bédel, on l'avenir, j'bille. On l'ascenseur au hell, on hâte pour la cave. Ou bien le pixel, c'est grave. Couchy, la libre kill, couchy, kill, mouche kill, tranquille. Les problèmes sont pile, par pile, 2000, 100 kills. Sois jugé utile d'arrêter la spirale des piles. Stop me up. يحكر على خوه واللي ما عندوش خوه يدور يدور يدور كما بطور يفلو تروبو تخبيع كيبو يلا جوني ها هو القهوة برد المو ما قاش ليكتين دابا ولا أنبوغو وهي غادية غادية كنا محقورين وكنا حقارة هنا راجعين لور هدي ما اللور ما عناش مارشار يردون درنا درمي دور ونكور ونكور ونكور Dans la basse cour, sans issue de secours. Donc, vous écoutiez Ouba Ouba Spirit dans Bulle de Rêve, l'émission 100% animation. On est toujours avec Émilie Mercier qui nous parle, donc qui nous a parlé d'abord de son parcours. Et puis, j'aimerais bien qu'on fasse avec elle. On va écouter quelques morceaux. C'est pas par rapport à parler de ça, c'est juste comment d'un seul coup, quand on rencontre ces auteurs, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui fait d'un seul coup tu réagis, tu dis ah ben tiens, ça j'aime bien, ou qu'est-ce que, en tout cas dans toi, dans ta volonté de travail d'animation, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est l'animation? Est-ce que c'est la musique? Qu'est-ce que c'est? Donc, on va de suite écouter. On va écouter un petit extrait d'un monsieur qui s'appelle George Fitzgibbon. On va écouter 30 secondes de La course à l'abîme. On écoute. C'est George Fitzgibbon avec La course à l'abîme. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un? George Fitzgibbon, c'est quelqu'un qui utilise la peinture et pas mal de techniques, même de la rotoscopie, hein, qui lui permet de prendre. Des auteurs comme Fitzgibbon, par rapport à qui travaille quasiment tout seul ou quoi, qu'est-ce que ça te. ça t'apporte quelque chose? C'est des gens que t'aimes bien, que t'admires ou pas, ou peut-être pas, qu'est-ce que... Moi, j'aime beaucoup d'auteurs parce qu'en fait, je suis fascinée par le fait que l'animation nous permette de développer un univers très personnel. Donc, plus il y a de diversité de personnalités, même quand c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est ce que j'admire, c'est la capacité de chacun à s'exprimer d'une manière extrêmement personnelle et dans plusieurs dimensions, pas seulement visuelles, mais aussi sonores. C'est un... Oui, parce que je fais Gable pour ça, avec quelqu'un de très important. Il y a un travail important de lien entre l'image et le son chez un auteur comme Schwitz Gable. Et voilà. Et au niveau de ton... c'est pas, on peut le dire, c'est vrai qu'on s'est rencontrés notamment au Festival d'Annecy pendant longtemps, tu venais, il y a aussi ça qui a été important. Tu vas dans beaucoup de festivals, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que des gens, finalement, est-ce que ces gens, pour une jeune étudiante ou quelqu'un en tout cas qui est nouveau dans le métier, tu nous parlais mais tu avais gagné un concours, est-ce qu'ensuite c'est facile de les rencontrer? Est-ce que quand on va à Annecy, est-ce que quand on va, tu repères bien les têtes, j'étais souvent avec Clinton, etc. Est-ce que c'est des gens qu'on accède facilement et finalement ils vous parlent facilement? Alors ça dépend des festivals, parce que je pense que c'est quand même lié, la plupart des auteurs je pense sont d'une grande simplicité et ça c'est sans doute... un peu particulier à l'animation. Je pense qu'il y a aussi des égos importants, bien sûr, mais quand même, dans la majorité, moi, je dirais qu'ils sont simples. Par contre, l'organisation des festivals fait que c'est plus ou moins facile, effectivement, de se trouver assis juste à côté sans faire exprès. Donc, mais je crois que la plupart des personnes vous accueilleront simplement si vous essayez de leur parler. C'est-à-dire qu'un étudiant à Annecy, il est un petit peu dommage, parce que c'est devenu tellement étudiant, et c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à rester, je trouve, un petit peu... entre eux, ce qui est normal, hein, en tant qu'étudiant, moi j'étais étudiant aussi, j'étais, mais c'est vrai qu'alors que là, en animation, peut-être qu'on peut aussi, est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on apprend vraiment, ou c'est juste le plaisir de rencontrer ces gens-là, ou non, est-ce qu'on peut parler, pas technique, mais en tout cas, on peut parler de leur, de ce qu'ils ont fait, de leur carrière petit peu? Oui, ben, il suffit de, d'avoir un peu d'audace, mais de rester... naturel. Voilà, c'est ça, naturel, et je pense que quand on pose une question, les gens répondent gentiment. Hein. D'accord, c'est avec plus de gentillesse, on va dire. Bah, on va écouter le morceau d'après. Elle a deviné. Donc, Émilie, c'était quoi? C'était... T'as deviné. Paul Drissen, c'était Paul Drissen. J'ai un doute sur le titre. La fin du monde. En 4 saisons. Voilà, en 4 saisons. Quelqu'un qui travaille comme ça, je vais souvent parler de Paul Drissen, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors lui, on parlait de quelqu'un qui est gentil, d'une gentillesse... renommée. Hein, c'est vraiment renommé. C'est quelqu'un d'absolument adorable et qui parle énormément. Quand moi je l'interviewais, quand j'ai eu la chance de le voir, c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille dans le cadre, à l'intérieur du cadre même, etc. Il me disait que pour lui, c'était même compliqué toujours aujourd'hui de convaincre l'ONF de faire son prochain cours, qu'il fallait toujours qu'il revienne et qu'il approuve. Toi, qu'est-ce que toi qui commences au tout début avec ton premier cours, est-ce quelque chose qui t'a un petit peu troublé pour tenter ce cours ou non? Ou en fait, c'était juste parce que tu as une maturation qui doit se faire au niveau de l'histoire, mais pas forcément au niveau du financement. Je dirais, est-ce qu'au niveau de la production, toi, tu te lances, tu as déjà des vues sur des productions qui pourraient t'aider pour faire ton court-métrage ou pas du tout? Non, pas vraiment. Je suis novice et je vais découvrir. Et de toute façon, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est la possibilité de se renouveler régulièrement parce qu'il y a une infinité de choses à faire. Voilà, donc je vais expérimenter. Et justement, je trouve aussi qu'un auteur comme Drissen, et Schwitz Gable aussi d'ailleurs, à sa façon, je les aime beaucoup tous les deux parce qu'ils n'ont jamais cessé de se renouveler. Tous les deux, ils ont la particularité d'expérimenter un style qui est très reconnaissable. On pourrait dire un seul style et à la fois, il y a de multiples variations de leur propre style. C'est vrai je les trouve vraiment intéressants pour leur qualité d'expérimentation et de remise en question permanente. Il y a d'autres auteurs qui changent de style par court-métrage et à chaque nouvelle histoire qu'il raconte, ce que je trouve également très intéressant, mais finalement les deux attitudes, qu'on soit dans un même style qu'on peaufine de plus en plus au fil de sa carrière ou dans un renouvellement de style permanent, ce sont deux attitudes d'expérimentation quand même. On passe à l'extrait suivant. Вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежик. Émilie, elle a mis deux secondes pour trouver, c'est le hérisson dans le brouillard de Johann Hornstein. Ouais, Johann Hornstein, et c'est incroyable, hein. On s'y croit. Oui, c'était magnifique. La voix du narrateur aussi, tellement chaleureuse. Hein, cette voix russe comme ça qui vient, c'est. Qui est une musique en elle-même. C'est superbe. Et donc, ça, c'est l'un des premiers que t'as vu, les hérissons dans le brouillard de Hornstein, ou c'était un autre, tu te rappelles? Non, je pense que l'année où j'ai découvert l'animation à Bruxelles, c'est Le Manteau qui a été montré. Donc, ce long métrage qu'il fait depuis des années, vous avez pu voir quelques minutes et qui est pour l'instant. Mais la bonne nouvelle, c'est que visiblement le studio Ghibli, donc le studio Miyazaki et de Takahata, produirait le manteau. Ce qui serait bien pour lui, parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont des artistes et qui lui laisseront peut-être un peu plus de temps, même si ça leur coûte plus cher, mais au moins qu'ils savent qu'ils vont produire quelque chose d'assez incroyable. Ah, quelle bonne nouvelle, j'étais pas au courant. Voilà, c'était. Donc tout ça, c'est édité, je vous dirai rapidement tout à l'heure. Donc Hornstein, on va. Mon Dieu, marmonna le vieux lapin blanc. Alors, là, elle a séché un petit peu, mais c'était dur. Alice, il y a un Drunkmeyer. Qu'est-ce que des artistes comme ça, est-ce que ça te touche ou pas du tout, des gens comme Drunkmeyer? Pas beaucoup, je pas dois beaucoup, dire. Pas beaucoup, hein. C'est quoi? C'est une narration qui t'intéresse pas ou c'est plutôt une texture, une matière? Qu'est-ce qui te visuellement ça m'intéresse, mais c'est plutôt la narration qui est tellement complexe et déconstruite et qui joue sur l'absurde, qui fait qu'à un moment mon attention n'arrive plus à s'accrocher. Pourtant j'aime quand même bien Drunkmeyer. J'avais bien aimé son long métrage Faust. J'avais vu aussi Otesanek. Des choses vraiment curieuses, tout à fait fascinantes, mais c'est vrai que ça fait pas partie des choses vers lesquelles je vais naturellement. J'y vais plus par curiosité. Mais c'est quand même que oui, c'est des choses qui sont étonnant à voir, parce qu'on en voit pas mal en festival. Et je parle de, là, évidemment, de Drunkmeyer, mais il y a les frères Coe aussi, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que tout ce côté absurde te touche moins, finalement, qu'une histoire racontée. Dans ton court-métrage, on peut s'attendre plutôt à avoir quelque chose d'assez... ça sera narratif. Assez narratif et qu'on pourra écouter. Enfin, je laisserai ceci dit, la place, effectivement, à quelques moments d'images abstraites et justement de plus de liberté. Finalement, ce que je préfère, c'est un peu l'équilibre entre les deux. Et liberté de contemplation, plutôt? Ou plutôt, parce que c'est vrai qu'il est tellement, il est posé la contemplation, mais un peu dur au niveau, je crois que Meyer, les frères Coe, est-ce que toi, ce serait plutôt ça? Des choses assez belles qu'on voit, qu'on regarde, en se laissant bercer par une musique, des choses comme ça ou... Les passages que j'ai choisis abstraits dans mon film, c'est plutôt des évocations... Non, c'est pas contemplatif. Ces moments-là, c'est plutôt de l'énergie brute qui est libérée. D'accord. Et je pensais que si je la matérialisais, si je faisais quelque chose de représentatif à ces moments-là, ça, l'émotion serait moins forte. Donc je m'étais dit que voilà, il y aurait des déflagrations comme ça. Je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe, au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Alors, on est loin de la grande bouffe, c'est quoi comme... c'est qui? Il a passé sur Arte, c'est pour ça que j'ai vu c'est ça. C'est l'homme qui plantait les arbres de Frédéric Bach. Avec la superbe voix. De Noiret, Philippe voilà. Noiret. Sur un texte de Giono. Ça, c'est Frédéric Bach, ce style, c'est, parce qu'on est quand même un peu proche de ce que tu disais, savoir des moments d'énergie pure aussi quand on est dans la truc assez abstrait finalement, parce que l'on entend voix. Est-ce que c'est... J'adore. J'aime tous les films. Et Frédéric Bach, c'est vraiment un très très grand artiste. En plus d'être une personne extrêmement simple, ce qui est également de notoriété publique. C'est le genre de personne qui sur lequel on apprend rien qu'en regardant ses films. Est-ce qu'au niveau de l'animation, pas au niveau de l'animation techniquement évidemment, mais est-ce qu'on se pose toujours des questions quand on est animateur, quand on a touché beaucoup de choses, storyboarder, etc. Est-ce que quand on regarde un film, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On regarde la technique? Est-ce qu'on peut être, ou avec des gens comme ça, on se laisse tout simplement porter? Je pense que quand on est... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je me souviens d'un moment où mon œil technique était plus affûté. Dans les premières années, ça m'intéressait tellement de comprendre comment étaient faites les choses. Et puis, avec le temps, finalement, la première chose que je veux faire quand j'assiste à un court-métrage, c'est me laisser emporter. Donc je suis de moins en moins vigilante et je me pose les questions au visionnage suivant. Et voilà, je... c'est le plaisir d'abord. Voilà, de, le plaisir d'abord, exactement. Alors, ce n'est pas un Kovalev, ça devient plus dur. Alors, là, on va rentrer dans quelque chose. Je vais t'aider parce que c'est difficile, hein, la radio, juste avec un petit son de deviner ce que ça peut être. J'aimerais, par rapport à la jeune génération française, finalement, ton rapport avec cette jeune génération française, aussi bien si tu les connais, mais même si tu ne les connais pas, par rapport au cinéma, à cette diversité dont tu parles. On vient juste d'entendre un petit extrait très rapide d'une pluie de poissons qui vient donc du film de Gilles Cuvelier, Chahut. Qu'est-ce que... Toute cette génération, toute cette nouvelle génération, là on va entendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi ça te touche? Tu nous parlais de la diversité de l'animation. Moi, je les trouve inspirants, tout simplement. Je trouve c'est un vrai plaisir de continuer à rencontrer des gens plus jeunes et motivés et inspirés. Des gens comme Gilles, par exemple, tu le connais? Un petit peu. Oui, oui. C'est des gens, non, mais c'est des gens avec qui vous discutez quand vous discutez, par exemple. C'est énormément de l'animation, c'est énormément ce que vous allez faire, les projets, des choses comme ça. Ou est-ce que vous parlez ou pas du tout? Vous pouvez parler de complètement autre chose, enfin. Oui, de tout, mais. Ouais, c'est des. Mais oui, enfin, c'est un plaisir de rencontrer des nouveaux talents et de voir à quel point ils évoluent beaucoup plus vite que vous ne pensiez. Et c'est merveilleux, quoi. Est-ce que ça donne envie? Ah oui, à fond. À fond. Au contraire, ça donne vraiment envie, c'est pas un frein. Ah non, pas du tout, j'ai jamais vécu comme ça. Thank you. Alors, on a entendu en premier une histoire vertébrale, Jérémy Clapin, un tout petit bout beaucoup trop court de l'inventaire fantôme de Franck Dion, Novecento de Sarah Vandenboom, et on vient d'entendre un petit bout du régulateur de Philippe Grammaticopoulos. voilà, entendu. Tout ça, c'est des gens, Chahu aussi l'a été, c'est des gens qui ont été notamment en compétition à Annecy. Est-ce que, même pour certains qui ont gagné des prix à Annecy et dans d'autres festivals, est-ce que ça, c'est. Toi, en tant que tu es en train de préparer ton court-métrage, est-ce que c'est quelque chose que, évidemment, auquel tu, sans y penser tous les jours, mais qui apporte quelque chose d'important de pouvoir ensuite le partager avec tous ces gens-là sur un grand écran, dans des festivals internationaux? Est-ce que c'est aussi une fin en soi? Oui, c'est vrai, j'aimerais bien, effectivement, déjà réussir à finir un film. Donc. On verra, c'est un challenge. Et ensuite, le suivre à travers les festivals et faire d'autres rencontres, justement. Et effectivement, partager ces moments où on découvre l'endroit où on est, donc le festival quelque part dans le monde, les nouveaux films, les nouvelles personnes. Enfin, voilà. Ce qui est étonnant, c'est que ça pourrait être un frein de se dire, tu connais pas mal de monde maintenant, pour avoir travaillé avec eux, pour les avoir rencontrés dans des festivals, parce qu'ils étaient souvent là, ça pourrait être un frein. Et en fait, non. Il y a un vrai plaisir de se dire, peut-être que je pourrais leur montrer ce que j'ai maturé comme ça pendant des années et que je pourrais enfin leur montrer à eux qu'on puisse discuter de ça. Ah, je pense pas à ça, en fait. Ça m'est même jamais venu à l'esprit, mais c'est vrai que je pense, par contre, à la dimension voyage que le film, que le fait de réaliser un film, voyage et rencontre, c'est une dimension qui sera ouverte par le fait de réaliser un film, si bien sûr on a la chance qu'il soit sélectionné dans quelques festivals. Mais je me dis que même le plus petit des festivals sera une expérience passionnante. J'ai pas du tout d'idée spécifique de où j'aimerais être emporté par un film. N'importe où sera, du moment que ce soit quelque chose que je découvre. 1 dosage égale 1 étoile, 1 infinité. Infinité de solutions, mode opératoire, je cherche à comprendre, tentative d'intervention, combinaison, je cherche, une infinité de combinaisons, essai, analyser, possibilité d'influencer la réaction, paramètres, maîtriser, plein de petites choses à régler, résultat, coûte à coûte, mécanisme, solution, chimie, créer l'équilibre, chimie, finesse, mode opératoire, réglage, dosage, égale, en état, classé, analyser, maîtriser. Observation. Je cherche à comprendre une infinité de solutions. Voilà, on parlait un petit peu, là, évidemment, Emilia a de suite deviné, c'était donc... Pistache de Valérie Pierson. Là, on vient d'avoir les professionnels, hein, avant Valérie, même si maintenant Valérie est devenue une professionnelle, Valérie Pierson est devenue une professionnelle, mais on a eu les gens qui sont maintenant un peu, qui sont vraiment le métier. Est-ce que tu es passionné par ce qui se passe au niveau des étudiants, au niveau, que ce soit dans le monde ou en France, évidemment? Valérie Pierson, elle vient de l'ENSAD. Ah, c'est clair. C'est, Ah oui, ça c'est évident, les étudiants, c'est franchement, c'est fascinant ce qui se passe dans les écoles et le fait qu'en plus il y ait de plus en plus d'écoles. Voilà, moi je trouve que Annecy devrait ménager une place plus grande aux étudiants. Franchement, moi ça m'a manqué cette année. J'appréciais, enfin, si je peux me permettre de donner un peu mon avis sur ça, j'appréciais moyennement la place plus grande réservée au long métrage. Donc j'ai l'opinion inverse de Laurent qu'on a entendu tout à l'heure. Parce qu'au contraire, comme je trouve que les courts-métrages sont vraiment le terrain d'expérimentation qui donne naissance à ces longs-métrages, entre autres, j'ai toujours plus envie de connaître la source que le fleuve. Et tu disais quelque chose de très beau aussi, tu disais par rapport au son, tu entendais ce son, tu disais quel son incroyable, quel travail elle a fait. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'expérimentation, finalement, d'aller de l'avant énormément? Quelqu'un comme Valérie, elle a fait son film, Pistache, et maintenant, elle fait des choses incroyables, mais elle n'arrive toujours pas, enfin, elle n'a pas le temps, de toute façon, de faire son prochain cours. Et il y a un côté un peu incroyable, non? En tant qu'étudiant, tu te parlais tout à l'heure de ton passage au Gobelin pendant un an, d'expérimentation, d'envie de faire des choses. Ah oui, et encore, je pense que ce que j'ai pu connaître avait aucune comparaison possible avec... avec ce qu'on vit dans des écoles comme l'ENSAD ou la Poudrière, dont, enfin, je suis vraiment fascinée par le fait que ces deux écoles, bon, c'est les deux qui me viennent à l'esprit spontanément, mais encouragent vraiment les étudiants à développer, toujours la même chose, des univers le plus personnel possible. Ça donne des résultats vraiment extraordinaires, je trouve. Tu dis qu'il y a plus d'écoles aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'un jeune qui veut se lancer dans l'animation aujourd'hui, toi qui as commencé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, hein, même un peu plus, est-ce que tu penses qu'il y a plus de choix, de possibilités pour pouvoir développer, et toi qui es passé dans la série en fait peu de temps après, est-ce qu'aujourd'hui un jeune peut peut-être réussir à passer dans un long, peut-être un peu plus différent? Oui, je pense qu'il y a plus de possibilités. Quand j'ai commencé, il y avait déjà... je ne vais pas dire pas du tout, mais vraiment très rarement de longs métrages en France. Et là, effectivement, maintenant, on assiste à une explosion de projets. Donc ça, mais aussi des spéciaux 26 minutes. Par exemple, je sais qu'à Folimage, en ce moment, se fabrique un spécial en marionnette. Wow. Voilà, donc la France... il s'y produit des tas de choses très diverses, finalement, au niveau du format et des techniques. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on a un panel de production beaucoup plus varié qu'il y a une dizaine d'années. On a quasiment plus de temps, il faut que je laisse, mais quand même, dernier extrait. J'ai dessiné une séquence par jour, pendant plusieurs semaines. Un film au jour le jour. Je l'ai revu un autre soir. Cette relation qui commençait était tellement bizarre. En attendant un appel d'Anne, je relisais de vieilles lettres. J'ai rêvé de Dorothée, que je connais depuis 4 ans. Elle se mariait avec un Anglais qui s'appelait John. Ça me faisait pleurer. Un autre jour. Ah, et ben voilà. Donc, toujours Bulle de Rêve, et nous écoutons, évidemment, Émilie n'a pas hésité 30 secondes, elle a entendu cette voix pendant des mois, en tout cas, ou des semaines. C'était Sébastien Laudenbach avec Journal, son film de fin d'études de l'ENSAD. Voilà, tout à l'heure. C'était pas tellement, évidemment, en tant que son film d'études que je voulais montrer, c'était pour entendre sa voix. Que Sébastien, tu t'as mis à ce qu'il faisait avant, tu l'as rencontré À Auch. C'est là où vous avez commencé. Tu peux nous parler un petit peu juste rapidement, 2 minutes de l'aventure avec Sébastien, du long métrage, du storyboard. C'était totalement fortuit, non? À Auch, on n'a pas parlé d'animation, donc c'était drôle. Et on s'est revus à Annecy, et là, il m'a expliqué qu'il avait un projet de long métrage et qu'il cherchait un storyboarder. Donc il m'a demandé si ça m'intéressait, et comme j'aimais déjà vraiment beaucoup ses courts métrages depuis longtemps, j'étais très enthousiaste qu'il me fasse cette proposition. Mais c'est difficile de rentrer sur dans un travail comme le storyboard, sur un quelqu'un qui a un auteur à part entière. On n'est plus dans la série, on n'est plus même chez Loulou, on n'est même plus chez des choses où il y a beaucoup de gens quand même, puis il y a une production qui est assurée derrière, il faut être là, on le sait bien, Sébastien nous a raconté plusieurs fois à ce micro, quand même, niveau financier, c'est pas toujours évident pour monter son projet, il est pour l'instant un petit peu en stand-by, etc. Toi, comment, avec tes envies, tu rentres sur un projet comme ça d'un auteur, est-ce que tu lui dis, là, ça serait bien qu'on fasse plutôt ce style-là, est-ce que tu essaies de partager un petit peu le ressentiment que tu as sur le projet? Non, mais c'était facile de rentrer dans l'univers de Sébastien parce que j'adore cet univers depuis longtemps. Et puis voilà, en le rencontrant, je me suis rapidement rendu compte qu'on avait des personnalités qui marcheraient bien ensemble aussi. Et que voilà, ça allait être un pur moment de plaisir, donc j'ai pas hésité une seconde. Ça s'est bien passé l'émission ? Tu reviendras nous voir ? Oui. Ouais. Moi, je suis très content en tout cas d'avoir eu Émilie. Faut que je la laisse partir parce qu'elle va au cinéma. Et évidemment, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller au cinéma. Quelqu'un qui vient à Bulle de Rêve. Merci infiniment. Merci, je suis ravie de t'avoir reçu ici. C'était un plaisir. Voilà, j'espère vraiment qu'on aura souvent des nouvelles et que tu viendras nous voir ou en tout cas, on parlera. Ceux qui veulent voir, c'est un film, mais ceux qui aimeraient voir un petit peu, Émilie, c'est, je ne le cache pas, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a un style que j'aime beaucoup. Elle est en coup de cœur sur mon site thewebanim.com. Vous regardez les coups de cœur et vous voyez, il y a juste trois petites illustrations qu'elle a fait pour le Chaperon Rouge, mais je les ai encore regardées hier avant qu'elle vienne. Et voilà, c'est un vrai plaisir. Vous allez voir, il y a des couleurs absolument magnifiques et son cours a des petites choses qui sont comme ça. Donc, merci à elle. Et on va écouter avant de reprendre rapidement l'antenne. Je me suis fait plaisir hier, j'ai acheté plein de disques et notamment Mathieu Bogarts. On va écouter de son dernier album, Michel, une bonne nouvelle tout simplement. Une carte postale de la campagne. Regarde le ciel comme elle est belle, cette âme de Michel. Avec un mot pour toi, pour moi, pour nous. Des mots sur des choux, partout des coucous. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle me donne le moral ? Un cadeau de Noël avec deux ailes pour deux personnes, Isabelle. Une bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nous. C'est chouette, les hiboux, girouette, coucou. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses de penser à autre chose. Si quelque part en France, si quelque part la chance ne passait pas par cette chance, voudrais-tu comme moi la saisir pour une fois? Une étincelle dans tes yeux. Laquelle je veux savoir ce que tu veux. Montre-moi le ciel comme il est mieux sous le soleil de Mathieu. Comme il est mieux pour toi, pour moi, pour nous. Du bleu c'est tout, le reste plus du tout. Des vœux tout à coup, un peu. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses de penser à autre chose. Si quelque part en France, si quelque part la chance ne passait pas cette chance, voudrais-tu comme moi la saisir pour une fois? Voilà, c'était donc Mathieu Bogart avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, pour les fans d'animation et les gens qui aiment ça, c'est que ne prenant pas de vacances, et Nicolas m'ayant dit qu'il assurait ses deux premières émissions d'août, et ben j'ai décidé de prendre le 17h-19h, c'est deux heures que j'utilise normalement tous les mois, mais là, ça fera donc deux semaines, je ne sais pas quelles sont les dates exactement. Je regarde Nicolas qui ne sait pas non plus, mais c'est normal. Et bientôt en vacances, on ne pense pas aux dates de la rentrée d'août. Mais en tout cas, donc je reprendrai. Et ce que j'ai décidé quand j'ai su que Nicolas faisait août et que je pouvais prendre août, c'est que je vais vous faire un petit, sur les deux heures, je pense une demi-heure ou 40 minutes sur trois auteurs en fait, trois auteurs par émission, deux ou trois auteurs, je verrai, où je vous parlerai un peu plus des auteurs, de leur biographie, de ce qu'ils ont fait, avec évidemment des sonores, avec des extraits de leurs films en métrage, d'interviews, de choses comme ça. Et évidemment, c'est que des gens, comme aujourd'hui, hein, souvent, où des DVD existent, ce qui fait que pour ceux qui seront plus intéressés, je vous dirais que tel ou tel DVD existe. Sachez aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter, tous ces DVD existent souvent dans les bibliothèques, vidéothèques, notamment de Paris, je ne sais pas trop en province, mais je suis persuadé aussi en banlieue et en province, ça doit exister. Nannstein, moi je l'ai trouvé pas très loin de chez moi, dans le 13e, parce que je vais vous parler de Nannstein, je vais vous parler de Driessen, Tezuka aussi se trouve dans le 13e, donc n'hésitez pas, c'est pas obligé, et il faut juste malheureusement, enfin pas malheureusement, mais il faut regarder dans le rayon enfant, parce que souvent évidemment c'est plutôt dans le rayon enfant que c'est mis. Donc voilà, donc on se retrouve au mois d'août pour vous parler de ces grands auteurs de l'animation, j'espère pour vous donner un petit peu l'envie de regarder, d'approfondir un petit peu le milieu et le cinéma d'animation. En attendant, je vous rappelle que le 25 juillet, alors c'est une grosse production, normalement j'essaie de pas trop en parler, mais ça j'adore, on en a parlé tout le long de l'émission, c'est Les Simpsons, il y a le long métrage des Simpsons qui sort. Évitez Surf's Up de Sony, évitez Shrek 3, évitez tout ça, mais juste il faut voir une grosse production, il faut aller voir celle des Simpsons parce que Homer est absolument partout et ça a l'air d'être très très drôle, ça a l'air d'être vraiment réussi. Voilà, j'en ferai pas plus, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai hâte de voir en tout cas, et qu'il faut, à mon avis, le peu que j'ai vu me paraît très très très passionnant. Et puis je vous parlerai en septembre, il y a plein de belles choses qui vont sortir aussi en animation, complètement décalées, des petites choses et des courts-métrages iraniens, des choses comme ça, plein de belles choses. On se quitte avec, vous allez entendre un tout petit bout de parce qu'il faut garder la force en ce moment, donc May the Force be with you, de la Guerre des Étoiles tout d'abord, ensuite vous entendrez, juste pour le plaisir, ce sera un générique de fin, un générique un peu atypique, Vincent Price qui nous parle de, qui nous raconte, enfin qui nous dit The Raven, le corbeau, d'Edgar Allan Poe, évidemment en anglais, et on finira par Catch You Later, c'est une phrase qui vient de The Big Lebowski, Catch You Later on the Train, c'est pour tous les gens que je connais du bowling virtuel. Voilà, ils comprendront. En attendant, c'était Bulle de Rêve. Merci à Nicolas d'être resté si longtemps après. Merci à vous de m'avoir écouté, surtout Laurent Vallière et Émilie Mercier. On se retrouve donc dans un peu plus de 15 jours. Allez, à bientôt. Bye bye. Once upon a midnight, third weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, merely napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, 'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door.